à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant le voyage, de ce que Dieu a planifié toutes choses pour que nous soyons encore réunis ce soir en ce lieu-ci, au nom de Jésus. Remercions-le. Sans faire notre célébration, nous remercions pour ta grâce et la bonté de ta miséricorde. Merci pour le privilège que tu nous as donné encore d'être réunis ce soir autour de ta parole. Père, dans le nom de Jésus, c'est confiant ces moments et nous faisons confiance toutes choses par le nom de Jésus. Amen. Nous te célébrons et nous te remercions pour ce que tu fais encore dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons confier tout ce programme-ci entre les mains de l'Éternel. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Qu'il ouvre nos cœurs aussi en vue de comprendre et de saisir la parole de Dieu afin de la pratiquer au nom de Jésus. Sans Père, nous demandons dans le monde que tu nous soutiens, que tu nous dis, Seigneur Dieu, tout au long de ce programme, de confier toutes choses dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Et nous prions que tu nous sois, que tu nous sens, Seigneur Jésus, tout au long de ce programme, que tu sois au milieu de nous, que tu nous assistes, Seigneur Jésus. Je te remercie, au Père, de nous avoir vu en plus de ce programme, que je reçois le nom de la gloire. Que cette parole soit pour nous une parole de vie, que tu nous aies. Amen. On peut s'asseoir. Sans plus parler, je vais remercier le frère. C'est une grâce encore, comme je l'ai dit. Nous avons eu à faire connaissance depuis très longtemps. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'il soit là en vue de nous enseigner. Très souvent, nous avons entendu ses paroles. Alléluia. La parole que Dieu a mis en nous, la sainte doctrine, et nous avons reçu cela, alléluia, parce qu'il y a une seule doctrine, et donc c'est un grand privilège encore de l'accueillir au milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir. Veuillez encore vous saluer les uns les autres alors. Salut frère. Pendant que vous saluez, je suis encore désolé de vous avoir fait attendre pour longtemps. Je ne connais pas le quartier où on est logé, de là-bas à ici, c'était pas évident. Comme c'est la fête de Tabaski, les taxis qui passaient étaient pleins. Ce qui fait que c'était difficile de prendre le taxi. Mais à toute chose, gloire soit rendue au Seigneur. Je ne sais pas comment on va travailler, on a 3 jours de travail. Et aujourd'hui, ce soir, ce n'est que l'entrée en matière. Je ne sais pas comment les jours suivants, on va travailler. Si vous êtes libre pour toute la journée, si vous n'êtes pas fatigué, on vient dès 9h, on prend jusqu'au soir. Si ça ne vous dérange pas, c'est à vous de voir maintenant. Je suis venu pour vous. Afin que nous partagions ensemble. Dans les prochains jours, on travaille comment? De toute façon, nous sommes là, oui. Spécialement pour le programme aussi. Voilà. Donc, en fonction de votre disponibilité. Non, je suis à votre service. Donc, c'est à vous de me dire comment je viens demain. Donc vous décidez, vous préparez, parce que quand je viens, peut-être on enseigne, et je vous donne des pauses, on enseigne. Si ça dépend de moi, je peux enseigner du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez qu'on prenne des pauses, on prendra des pauses. Mais je suis à votre service. On a juste 3 jours, c'est ça? Ouais. 3 jours. Donc on profite, il faut qu'on profite au maximum. Donc maintenant je suis à votre service, posez toutes vos questions. Toutes vos questions. Si vous avez déjà écouté les enseignements sur YouTube, sur Bamba Iba, mais voici donc en présent. Si vous avez des choses à me reprocher, reprochez-moi. Si vous avez des choses que vous avez écoutées qui vous ont choqué, je suis enfin devant vous. Posez des questions. N'attendez pas que je parte avant de dire qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi. Posez toutes vos questions. Alors les femmes, bonsoir au nom de Jésus. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Alors je suis à votre service. Donc pour demain, on peut faire chaque jour, matin, soir. Matin, soir. J'espère que vous allez supporter. Matin, soir. Ok. Donc préparez-vous donc en conséquence. Dès demain, on va enseigner de matin jusqu'au soir. Mais je vais vous laisser, si je regarde que vous êtes fatigué, je vais vous laisser des pauses, le temps de boire un peu d'eau. Et puis on continue. D'accord. Alors, y a-t-il des questions? Sentez-vous libre de poser toutes les questions. Oui, mon frère. Voilà. J'aimerais poser la question à savoir, c'est quoi la saine doctrine? La saine doctrine. Parce que à cette époque précise, oui, chaque église se dit, par exemple, si les gens sont, se communiquent, oui, une personne pose la question à savoir, quelle est la doctrine de votre église? Quelle est la, voilà, doctrine de votre église? Mmh. Y a-t-il plusieurs doctrines ou bien une seule doctrine? Amen. C'est quoi la saine doctrine? Alors, donc, on va donc développer ce sujet-là dans les minutes qui suivent maintenant, d'accord? Mmh. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notez dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Que Dieu vous bénisse. Amen. Matthieu le chapitre 28. Donc les passages dont je vais vous donner maintenant, la réponse sera développée tout autour de ces réponses là. D'accord? Okay. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Notez. Donc la première question c'est quoi la saine doctrine? C'est quoi la saine doctrine? Matthieu chapitre 28. Verset 18, notez, je vais vous donner beaucoup de passages, comme ça on va entrer dans le vif du sujet. 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 6, verset 3 à 11. Tite chapitre 1, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut entrer là. Tite chapitre 1, le verset 5 à 10. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 11. Bon, je crois que c'est mieux que j'arrête là comme ça. Oui. Jude chapitre 1 verset 1 à 3. C'est beaucoup là. Notez également 2 Pierre. Jude, pas juge. Jude chapitre 1 verset 1 à 3. Jude a un seul chapitre naturellement. Jude chapitre 1 verset 1 à 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 1 à 18. On y va? Donc nous allons voir ce qu'est la saine doctrine. Comme notre bien-aimé a signalé, lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, si je vais vite, veuillez me calmer, d'accord? Si ça me prend et que je vais vite, calmez-moi. Vous faites comme ça là, d'accord? Lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, tellement il y a beaucoup de dénominations, catholiques, protestants, évangéliques, et vous pouvez donner n'importe quel nom. Lorsque vous parlez de la Bible avec quelqu'un, vous parlez du Seigneur Jésus-Christ avec quelqu'un, la première chose qu'il vous demande, c'est vous êtes de quelle église? Ce sont des questions qui me dérangent. Pourtant, ces personnes ont les mêmes Bibles que vous avez. Et pourtant, dans ces Bibles-là, ne sont mentionnés nulle part les noms des églises comme nous avons aujourd'hui. On se pose la question, quel est le problème? Le problème, justement, la différenciation se trouve au niveau des doctrines. Et donc, vous arrivez à un niveau de discussion, les gens disent chacun a son interprétation des Saintes Écritures. Ça commence à poser problème. Est-ce que le même Dieu donnerait-il des interprétations différentes à sa seule parole? On trouve manifestement que c'est non. Notez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4. Notez Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 16. Verset 8 à 16. Vous avez noté, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 16. Alors, lors des rencontres, au milieu des échanges, que ça soit dans vos différentes familles, avec vos camarades de classe, avec vos collègues de travail, et ainsi de suite, si vous commencez à aborder ces sujets, si une personne se trouve être de la religion catholique, lorsque vous allez commencer à avancer dans les Saintes Écritures, ils vont devoir vous dire, pourquoi tu nous juges? Pourquoi vous pensez que c'est vous qui avez la vérité? Or, de telles pensées ne devaient pas être au milieu chrétien. Remarquez très attentivement. Vous m'avez invité ici, je suis là. Je ne suis pas venu au nom d'une église, ni au nom d'une dénomination, ni quoi. Et je ne vais pas vous poser la question de quelle dénomination êtes-vous. Je suis tenu devant vous, je n'ai pas la Bible, pas vrai? Je n'ai pas de Bible avec moi. Vous avez la Bible avec vous. Et je suis en train de vous donner les versets bibliques. Et s'il dit quelque chose qui est contraire aux Saintes Écritures maintenant, si vous lisez la Bible, vous devez savoir. Pas vrai? Donc le vrai problème, c'est que les gens ne lisent pas les Saintes Écritures. Voilà le vrai problème. Le vrai problème, c'est que les gens ne lisent pas véritablement les Saintes Écritures. La deuxième situation, c'est que les gens qui lisent les Saintes Écritures dans certaines dénominations, ils vont avec des motivations qui ne sont pas les motivations pour suivre le Seigneur. Si vous suivez le Seigneur Jésus-Christ et vous aimez sa parole, vous aurez en horreur qu'on mente des Saintes Écritures ou qu'on torde les Saintes Écritures pour avoir de l'argent ou bien des matériels. Si vous aimez Dieu et que vous suivez la parole, vous fuirez toutes les dénominations automatiquement. Parce que chacun y va de son côté. D'accord? Le premier passage dont je vous ai donné, Matthieu chapitre 28, le verset 18. La Bible déclare, le Seigneur Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Puis il donne la commission à ses disciples, donc maintenant, au verset 19. Donc suivez maintenant dans votre Bible. Il donne la commission à ses disciples. Si vous êtes en train d'enregistrer, si vous avez les téléphones qui enregistrent, veuillez m'approcher. Non, je crois que ce serait bien. Si il faut que je me tienne ici pour que ça puisse, vous puissiez avoir cela dans votre... Ou bien, est-ce que je pouvais les avoir tous sur moi? Bon, je vais prendre quelques-uns. Je crois que ce serait bien d'avoir... Voilà, je crois que ce serait bien que la table soit plutôt devant, n'est-ce pas, frère? Que la table soit plutôt devant, parce que je ne peux pas rester sur place comme le poteau. Voilà, comme ça. Ce serait bon comme ça, n'est-ce pas? Alors, dans Matthieu chapitre 18, si vous voulez enregistrer, vérifiez que vous avez mis sur mode avion. Comme ça, si on vous appelle, ça ne coupe pas là. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, 19 et 20, la Bible déclare que le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il commissionne donc ses disciples au verset 19, allez et faites de toutes les nations. Gardez-vous maintenant ces versets à l'esprit. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez bien maintenant. Écoutez, vous avez la Bible avec vous. Puis il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Soulignez ce passage-là, cette partie. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, maintenant je suis là-bas. Vous y êtes? Donc dans ce verset 19, la partie A, la partie B du verset 19, il dit, et enseignez-leur, après avoir fait les disciples, en baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce que la question c'est quoi la sainte doctrine? Si chacun définit la sainte doctrine selon sa dénomination, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que chaque dénomination n'a pas sa Bible. Il y a une seule Bible qui a été transmise pour nous, une fois pour toutes. Comme Jude chapitre 1, verset 1 à 3 le dit. La foi a été transmise une fois pour toutes au saint. D'accord? Ça veut dire que la même foi que j'ai, c'est la même foi que vous êtes censé avoir. C'est la même foi que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jacques et autres ont eu. C'est la même foi. Personne n'aura à observer plus que l'autre la parole du Seigneur. C'est la même recommandation pour chacun de nous. Pas vrai? Les recommandations telles que écrites dans la Bible qu'on nous prêche aujourd'hui afin que nous observions les commandements du Seigneur, c'est la même recommandation que tous les chrétiens de tous les siècles ont eu. Pas vrai? Alors ça devrait être la même loi pour chacun de nous. Alors, dans ce livre de Matthieu chapitre 28, dont le Seigneur Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il demeure donc clair que les disciples du Seigneur Jésus-Christ doivent recevoir son enseignement à lui. Par conséquent, quelle qu'en soit la personne, quel qu'en soit le lieu où une personne se trouve, s'il invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il se doit de suivre les commandements du Seigneur Jésus. Pas vrai? Alors, les commandements du Seigneur Jésus-Christ prescrits donc à l'Église, dans toutes les dispensations, se trouvent être dans la sainte doctrine. Les commandements du Seigneur Jésus-Christ prescrits à l'Église, à enseigner à toutes les époques, pendant toutes les dispensations de l'Église, se trouvent être la sainte doctrine. Vous me suivez, n'est-ce pas? En fait, il n'y a personne sur la terre qui inventerait quoi que ce soit pour que les chrétiens puissent observer. On ne pourra pas s'en sortir. Remarquez très attentivement, si vous allez dans différentes dénominations, baptistes, pentecôtistes, vous allez remarquer qu'en dehors de la parole du Seigneur, telle que vous avez, ils ont les règlements intérieurs. Ces règlements intérieurs donc diffèrent d'un lieu à l'autre. Ce sont ces règlements intérieurs qui font la déance, qu'on ajoute des choses à la parole qui n'y étaient pas. Vous allez aller dans des dénominations, ils vont dire par exemple que dans leur règlement intérieur, ils diront par exemple, vous m'entendez bien? Voilà. Dans leur règlement intérieur, ils diront par exemple que peut aspirer à la charge des pasteurs toute personne, chaque personne des deux sexes. Vous voyez cela, ils donnent la charge à une femme d'être pasteur. Pourtant, dans les Saintes Écritures, il est interdit à la femme d'enseigner. C'est parce que vous comprenez. À cet instant-ci, ils ont mis une charte, une doctrine, comment un règlement intérieur en dehors de la Bible. Les Saintes Écritures, la Bible, ou mieux, la chrétienté a ceci de différent, c'est qu'en dehors de la Bible, il n'y a plus de référence nulle part. Ce n'est pas comme avec le Coran où il y a les hadiths, les sunnas quelque part, il faut aller se référer pour essayer d'expliquer des paroles et les dits, de faire de Mohammed. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible est donnée. Et s'il y a un passage biblique qui n'est pas clair, un autre passage biblique éclairera. Ou mieux encore, le Saint-Esprit donnera l'explication. C'est ainsi les Saintes Écritures. Alors, tout fonctionnement donc, joint à la Bible par les règlements intérieurs est absolument, on peut le dire sans se tromper, diabolique. Parce que ça va contredire la parole de Dieu et amener les gens à suivre, comme Marc chapitre 17 le dit, les traditions des hommes au mépris des commandements du Seigneur. Que faire donc? C'est débarrasser des traditions. L'Église donc, en principe, se trouve en cette... Au moment où nous parlions là, l'Église se trouve mélangée avec des traditions. C'est pour ça que le Seigneur Jésus demande de sortir du milieu d'eux. De ne pas toucher à ce qui est impur. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors donc, je recommence encore. D'après Matthieu chapitre 28, verset 19, la partie A, la partie B. Et enseignez-leur à observer tout ce que... Notez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Notez 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Donc le Seigneur dit, enseignez-leur à observer. Est-ce que les disciples viendraient enseigner leurs pensées? Est-ce que chaque disciple enseigne ses pensées? Alors il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur dit, je vous ai prescrit. Au chapitre 16 de Matthieu, verset 16 à 18, il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est l'église du Seigneur. C'est lui qui bâtit. C'est lui qui donne les prescriptions, les tenants, les aboutissants. Tout ce qu'on doit faire dans l'église, c'est lui qui prescrit. Ça veut dire qu'un prédicateur ne vous donnera aucune nourriture spirituelle qui n'est contenue dans les Saintes Écritures. Sinon, ça va vous tuer, c'est le poison. Tout enseignement qu'on doit vous donner en tant que chrétien devrait se tourner dans les Saintes Écritures. La base doit se retrouver dans les Saintes Écritures. Si ça ne se trouve pas dans les Saintes Écritures, vous êtes en droit de dire, je n'observe pas ceci parce que ça n'a pas été prescrit par le Seigneur. Parce que c'est lui qui a dit, enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, dans la marche du Seigneur Jésus-Christ, il y a des prédications qu'il a faites. Si vous lisez le livre de Jean, chapitre 17, il a donné beaucoup de paroles aux disciples. Il dit, tout le monde n'a pas reçu cette parole-là, mais ceux à qui cela a été destiné. Et ils sont censés donc enseigner les autres. Maintenant, notez Actes, chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les versets 37 à 42. Dans ces Actes des Apôtres chapitre 2, l'apôtre Paul, Pierre va prêcher à partir du verset 14 et au verset 37, dont les disciples, les juifs qui sont venus à Jérusalem, la Bible déclare au verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit aux apôtres à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur les appellera. Puis la Bible développe et à part plusieurs autres paroles, il les conjura en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est pas vrai? Maintenant la Bible continue en disant, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est pas là le point. Le point au verset 41, la partie A dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez cela? Parce que ceux qui viennent d'entrer dans le corps de Christ ne savent pas ce que c'est en réalité. Maintenant, il faut leur enseigner les prescriptions du Seigneur. Et donc, vous allez remarquer, dans le livre des Actes des Apôtres, encore une fois de plus, au chapitre 6, lorsqu'il y a cette dissension et ce désordre entre la distribution qui se faisait entre les hellénistes et au-delà, la Bible déclare que les apôtres vont se réunir pour donner les prescriptions par rapport à ceux qu'on doit choisir pour qu'ils s'occupent de ces choses. Puis, plus tard, vous allez voir dans le livre de Timothée, ce sera érigé en loi dans l'église pour le choix des diacres. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, petit à petit, le Saint-Esprit donnait pierre à pierre à l'édifice qu'est l'église pour que cette église vienne en maturité. Maintenant, la parole a été donnée une fois pour toutes. Vous l'avez. C'est votre Bible telle que c'est écrit. N'allez pas entendre ce que les musulmans disent que l'Injil a été falsifié. Ça, c'est les fuites en avant parce qu'ils ne veulent pas croire au Seigneur Jésus. Vous avez ça au complet au devant de vous. C'est cette même parole que mes prédécesseurs se sont tenus sur cette terre, c'est pour prêcher. Et c'est par elle qu'on est sauvé. Parce qu'en cette parole-là, en cet évangile-ci, elle révélait l'immortalité. Vous vous souvenez, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, quand l'ange est venu dire à Corneille, envoie à Joppé appeler Pierre, ils te diront les paroles par lesquelles vous devez être sauvé. C'est par cette parole-là qu'on est sauvé. On ne doit pas diluer. D'accord? Maintenant, le problème des saintes doctrines, on se pose, nous nous posons donc la question sur la terre. Maintenant, si on est divisé chacun en son clan, quelle est la pensée du Seigneur là maintenant? Pour qui, quelle est l'église du Seigneur? Quelle est l'église? 1 Timothée chapitre 6. Je vous ai donné ça, je n'ai noté plus, vous avez déjà noté. Tout, au fur et à mesure que j'avais parlé, je vais me référer dans les versets dont je vous ai donné tout à l'heure. Vous avez noté aujourd'hui 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 11. Vous avez noté ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 11. Alors, il dit, si quelqu'un enseigne quoi? Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et sans s'attacher aux saintes paroles. Allons-y. Aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et à la doctrine qui est selon la piété. Oui. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et à la maladie des questions osseuses. Voilà. Et des disputes de mots. Oui. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Voilà, arrêtons d'abord là-bas. Donc, d'après ce que l'apôtre Paul lui dit ici, il dit que si quelqu'un enseigne des fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur, remarquez bien encore une fois de plus, la personne qui parle n'a pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ physiquement. Cette personne n'a pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ physiquement. Mais le premier passage que nous avons pris dans Matthieu chapitre 28, il est dit à ses disciples physiquement, face à face, je quitte ce monde si sachez que tout pouvoir m'a été donné. Moi, maintenant, je vous envoie. Allez faire des nations des disciples, les baptisant, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, l'apôtre Paul ne se trouve pas. Puis l'apôtre Paul vient, plus de 30 ans plus tard, et il dit la même chose. Il dit, si quelqu'un enseigne autre chose, sans s'attacher aux saintes paroles, comment l'apôtre Paul a pu avoir les mêmes paroles du Seigneur Jésus sans être avec lui? Ça devait nous pousser à poser des questions, pas vrai? Comment a-t-il pu avoir les mêmes paroles qu'ont eu les disciples du Seigneur qui ont marché face à face? On s'attendrait à ce que l'apôtre Paul va faire une réunion avec les disciples qui ont marché avec le Seigneur Jésus et leur demande, qu'est-ce que Jésus vous disait? Non, non, non, non, il n'a jamais fait cela. Jamais. Mais plutôt dans Galates chapitre 1, verset 11 à 16, il dit que l'évangile qu'il a prêché n'est pas de lui. Il n'a ni reçu d'une école de théologie de fou là, ni d'une école biblique, quoi que ce soit, pas vrai. Mais il dit que c'est par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'après que le Seigneur soit ressuscité, après qu'il l'ait choisi, il a pris en aparté pour lui dire, voici ce que tu dois enseigner. Et ce qu'il devrait enseigner était conforme à ce qu'il avait dit physiquement quand il était là. Vous voyez cela? Concernant dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous lisez le verset 20 à 31, concernant la Sainte-Seine, il dit, car je vous ai enseigné ce que moi j'ai reçu du Seigneur. C'est que dans la nuit où le Seigneur fut crucifié, pris du pain. Donc vous voyez, cet événement, il n'était pas présent. Il n'était pas parmi les 12 disciples. Il dit, je vous ai appris. Je vous ai enseigné ce que j'ai appris du Seigneur. Donc le Seigneur, après être ressuscité, après l'avoir choisi, lui a raconté encore, point par point, les mêmes événements qui sont passés à la scène, dans la soirée où il fut crucifié. Pas vrai, frère? Quel est le souci du Seigneur de donner détail après détail à l'apôtre Paul qui n'était pas avec les disciples? C'est pour qu'il y ait l'harmonie dans l'évangile. Pour qu'il n'y ait pas déséquilibre. Maintenant, je vous ai donné 2 Pierre chapitre 3 aujourd'hui aussi. Vous y êtes? Dans 2 Pierre chapitre 3, je vous ai donné à partir du verset, du verset 1 jusqu'au verset 18. Si vous lisez le verset 14, la Bible déclare, verset 14 à 18 en descendant, vous aurez le temps de lire. L'apôtre Pierre dit, c'est la même chose que le frère Paul dit dans ses lettres. Ces paroles dont l'apôtre Pierre dit, c'est la même chose dont parle le frère Paul dans ses lettres, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, où les gens mal affirmés et tordent le sens comme celui de tous les autres écritures. L'apôtre Pierre confirme ainsi que ce qu'il prêche, c'est la même chose que le frère Paul prêche, bien qu'il y ait des points à comprendre avec l'esprit. Il dit, lorsqu'on ne comprend pas ces points-là, on risque de tordre ce sens-là, le sens de ce qu'il a dit. Arrêtez-le de parler de l'harmonie de l'écriture. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'il en a de prêcher. Pas vrai? Ouvrez donc 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous ai donné aujourd'hui le verset 1 à 11. Mais nous allons lire spécifiquement le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 15. Parce qu'il voit, il y a l'obscurité là. Je ne voudrais pas vous retenir. C'est demain donc. Demain en venant, si vous avez l'eau, gardez l'eau dans votre sac. Parce que je ne veux pas vous laisser pour longtemps. On va parler. J'ai parcouru des kilomètres depuis Douala pour venir ici pour qu'on parle. Donc on ne doit pas blaguer. Pas vrai? Donc si vous avez. Vous avez l'habitude de faire 30 minutes de prédication. Vous allez me supporter pendant 3 jours. Amen. D'accord, frère? Amen. Comme ça, si vous avez des problèmes, on puisse épurer ça dans les Saintes Écritures. Des questions, on répond à la lumière des Saintes Écritures. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 11. Qu'est-ce que ça dit ici, mon frère? Verset 11. Le verset 11. Oui. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Amen. Donc, l'apôtre Paul présente à partir du verset 1, il dit que je ne sais pas si vous qui êtes dans l'obscurité, vous parvenez à lire là, mais que le Seigneur vous bénisse. De toute façon, vérifiez, prenez les notes et vérifiez ce que c'est ce qui est dit. Donc, l'apôtre Paul, après avoir développé dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 et suivant, il est présent les Écritures, que d'après l'évangile qu'il prêche, Christ est mort selon les Écritures, ressuscité selon les Écritures pour la justification. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Puis au verset 11, il dit effectivement, que ce soit eux, parlant des autres apôtres, que ce soit lui, voilà ce qu'il prêche. Et c'est à cela que les gens ont cru. C'est pour ça qu'au verset 3 et à 5, il va dire quasiment, vous ferez mieux de retenir cet évangile-là, autrement vous aurez cru, autrement vous aurez cru en vain. Merci frère, que Dieu te bénisse. Voilà, je crois qu'avec ces petites lumières-là, les gens pourront lire les Saintes Écritures. Alors, donc nous voyons effectivement que s'il y a harmonie dans la Bible, c'est manifeste que c'est le Saint-Esprit qui coordonnait tous ceux qui prêchaient et qui établissait quoi? Les chrétiens sur la terre par le Saint-Esprit. Maintenant, nous devons admettre, en regardant la vérité en face et en arrivant à cette conclusion-ci, si deux personnes prêchent un sujet de la Bible aujourd'hui et que ces sujets sont contradictoires, on a des problèmes. Parce que ceux des chrétiens qui prêchaient initialement n'avaient pas ces problèmes-là. Puisqu'à la conférence de Jérusalem, ils vont amener leur évangile en harmonie, ils vont comparer, ils vont effectivement voir que Pierre a reçu mandat chez les juifs, l'autre a reçu mandat chez les païens, mais c'était le même évangile, pas vrai? D'où vient-il donc aujourd'hui? Malgré que les gens soient bien formés, raffinés d'une seule et même école théologique, sortent, créent des dénominations différentes, diffèrent des doctrines. Nous avons des problèmes. On s'attendrait au moins que si quelqu'un sort d'un institut biblique, s'ils sortent, comme chaque année, sortent 350, 100 là. S'ils sortent comme ça, qu'il y ait 100, il faut qu'il y ait 100 églises, comme ils appellent là, 100 églises harmoniques. Pas vrai? Mais chaque fois, quand les gens sortent des dénominations, ils vont créer leur dénomination, propre dénomination, avec des doctrines différentes de celles qu'on leur a enseignées dans l'école théologique. Donc, il y a un mauvais esprit en milieu chrétien, l'esprit de division. Notez 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Alors donc, la dénomination devient donc le symbole de la division. Vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 15 tout à l'heure maintenant. Rentrons au chapitre 1. Lisons juste le verset 10. Je crois que quelqu'un a la lumière là. Toi, tu as la lumière, n'est-ce pas, frère? Ouais. Tu peux nous lire le verset 10 du chapitre 1 de 1 Corinthiens. Tu y es? 1 Corinthiens, chapitre 1, pas chapitre 14, d'accord? Remets plutôt au Corinthiens. Chapitre 1, verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, à tenir tout au même langage, oui, et à ne point avoir de division parmi vous. Amen. C'est bon. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Christ, à tenir tous un même langage. N'est-ce pas ce qui est écrit ici? Il dit à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Maintenant, si on prend ces photos-ci, on regarde l'église de notre époque. Vous pensez que c'est ce qu'on est en train de faire? Vous m'entendez là, frère? D'après ce qui est écrit là-bas, il dit, un, on doit tenir tous un même langage. Si vous asseyez comme ça, il y a témoin de Jéhovah, baptiste, adventiste, septième jour, catholique, protestant, ainsi de suite. Vous tenez le même langage? Alors, dans ce cas, je pose la question. Qu'est-ce qu'ils font dans une réunion écuménique ensemble? Qu'est-ce qu'ils font donc dans une réunion écuménique? Sans que vous compreniez ce que j'en ai dit. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 1, verset 10, il dit que je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à tenir tous un même langage. Plus loin, il va parler des mêmes sentiments. Il dit que, voici le deuxième volet, et à ne point avoir de division. Manifestement, les protestants sont sortis d'où? Des catholiques. Manifestement, les baptistes et pentecôtistes sont sortis d'où? Des protestants. Manifestement, les pentecôtistes sont sortis d'où? Des baptistes. Manifestement, les évangiles sont sortis d'où? Des pentecôtistes. On va où là? Alors, il y a un esprit de division qui ne vient pas du Seigneur en milieu chrétien. Cet esprit-ci vient du fait que les gens se sont dirigés dans des postes qui ne leur sont pas accordés par le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Parce que Jésus n'appellera pas quelqu'un sur la terre pour lui assigner des fausses doctrines. Que non. Le Seigneur Jésus, celui qui est allé à la croix pour nos péchés, n'appellera pas quelqu'un sur la terre et lui donner d'aller enseigner des fausses doctrines. Que non. Parce que quand il t'envoie en mission, tu es prêt pour le service. Vous comprenez cela? Le ministère dans l'enseignement, parce que c'est pas ce que nous disons qui produit la vie, pas vrai? Et donc, dans Jacques chapitre 1, verset, chapitre 3, verset 1, il dit qu'au milieu de nous qui ne se mettent pas des grands nombres d'enseignants, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Vous voyez? Parce que le ministère d'enseignement, on peut prier pour vous. Vous êtes guéri, sans être sauvé. Comprenez cela? Mais pour que vous soyez sauvés, il faut la parole de vérité. Il faut que la parole de vérité vienne avec le Saint-Esprit et vivifie votre intérieur. Vous comprenez cela? Et ça, ce n'est pas l'enseignement. Et donc, le Seigneur ne suscitera pas quelqu'un sur la terre pour lui octroyer le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit enseigne quelque chose qui est contraire aux Saintes Écritures. Ça ne peut pas se faire. Alors donc, si donc les gens enseignent des choses qui sont contraires aux Saintes Écritures, tout en se targuant être des serviteurs de Dieu, dans ces cas, il y a des gens qui se trouvent dans des positions dont Dieu ne leur a pas confié cela. Voilà donc d'où viennent les discussions, non seulement cela, mais les dénominations. C'est ce que l'apôtre Paul disait, si quelqu'un enseigne, dans ce 1 Timothée chapitre 6, vous avez lu, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas enflés d'orgueil, frère. Il y a un esprit méchant là-dedans, mais c'est mauvais. C'est pas ce que vous me comprenez. Alors donc, maintenant, il va falloir maintenant qu'on se regarde face à face maintenant pour dire des vérités. Alors l'Église catholique ne provient pas du Seigneur Jésus-Christ. Si vous dites Amen, il faut dire Amen avec tout le reste. Parce que tout le reste, ce sont les filles qui sont engendrées. Maintenant, vous bougez la tête parce que vous avez vos frères catholiques, non? C'est quand même vrai. Ça ne provient pas du Seigneur Jésus-Christ, mais par la manipulation mentale octroyée par Satan. Parce que sa fondation ne vient pas de Dieu. Ça, c'est fondé sur le mensonge. Et si la première est fondée sur le mensonge, tous les autres sont fondés sur le mensonge. Vous allez aller voir, vous allez voir une dénomination quelque part. Ils vont mettre la plaque, ils vont mettre vie profonde ou bien n'importe quoi. Mais ils vont prendre le décret, l'arrêté ministériel pour fonctionner chez un autre encore. Et là-bas, et entre eux, ils ne s'entendent pas. Mais ils prennent tout juste le décret, ils perdent de l'argent. mais le Seigneur Jésus-Christ dit, il connaît ceux qui lui appartiennent. Notez 2 Timothée. Notez 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Donc le Seigneur Jésus-Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, qu'on puisse chanter comme ça, porter la blanc. Mais parce que je suis devant vous, vous ne pouvez pas savoir, en dehors de ce que le Seigneur vous ouvre les yeux ou bien le cœur pour que vous sachiez qui je suis, vous ne pouvez pas savoir. Parce que moi qui suis devant vous, vous ne pouvez pas savoir si je suis vrai ou pas. Mais si le Saint-Esprit vient en vous, il vous révélera ma vraie nature, même si je suis en train de me cacher, même s'il dit quelque chose, même s'il prêche comme ça et que peut-être par derrière, je suis faux, il vous révélera qui je suis. Vous voyez cela, n'est-ce pas? En clair, il faut que l'église soit visitée par le Saint-Esprit. Parce que sans Saint-Esprit, vous ne pourrez pas discerner. Le discernement vient du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas discerner intellectuellement ce qui est vrai et du faux. Parce qu'il y a des gens, des choses qui sont grossièrement fausses, telles que vous allez voir. Mais d'autres qui seront tellement subtiles au point où il faut que le Saint-Esprit vous dise, ici, je n'y suis pas. Alors la sainte doctrine, donc, comme j'ai dit dès le départ, se trouve être les commandements, les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ octroyées à l'église et déjà mis dans la Bible afin qu'on ne les prêche. La sainte doctrine, ça ne veut pas dire qu'on prêche la sainteté, que non. Ça suppose qu'on va prêcher la parole qui est dans les saintes écritures. D'accord? Maintenant, ouvrons Tite, allons-y, ouvrons le livre des Tite que nous avons donné aujourd'hui. Si vous avez les assimilés, je peux couper maintenant pour prendre autre question, d'accord? Donc là, nous voyons, c'est quoi la sainte doctrine? La sainte doctrine, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ prescrite à l'Église dans sa dispensation. On ne doit pas ajouter rien là-dessus, on ne doit pas retrancher rien là-dessus. Ça doit être prêché tel quel. Et donc, les disciples, il y a des gens qui disent aujourd'hui, non, il ne faut pas enseigner telle chose, ce n'est pas important. Ce n'est pas à nous de juger ce qui est important de la parole du Seigneur. Si ça a été mis dans les Saintes Écritures, on doit l'enseigner. D'accord? Tite chapitre 1, à partir du verset 5, il dit, je t'ai laissé en crête, tu peux lire un peu à haute voix. Mm-hmm. Oui. Je t'ai laissé en crête, oui, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Oui. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Oui. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des femmes fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Attends, tu as lu une femme là-bas, c'est enfant. Relis encore. Ayant mariés d'une seule femme, oui, ayant des enfants fidèles, voilà, qui ne soient accusés de débauche, oui, ni rebelles. Oui. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Vous entendez ça? Vous entendez l'ordre du Saint-Esprit comment établir les évêques, n'est-ce pas? C'est pas fini, on va continuer. Donc, ça veut dire, si vous voulez regarder la façon biblique de faire, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, comment on établit les évêques? On te regarde, si tu travailles bien, tu as un bon poste de travail, on te met ancien. On regarde, on construit sa dénomination, on voit, tu es bien positionné, ton mari, on vous met ancien. Vous voyez les choses qui se passent à l'église. Mais voici l'ordre du Saint-Écriture. Les personnes qui doivent être évêques, anciennes, doivent être irréprochables, dit le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est une sélection qui est assez resserrée. Continuons, mon frère. Mais fais attention de lire ce qui est écrit, d'accord? Parce que je suis sensible à ces choses-là. Allons-y. Comme économe de, oui, Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Stop. Vous avez ce qui est écrit là? Donc, ça veut dire que les évêques, parce que les évêques sont les surveillants de l'Église. Et si on dit, c'est au finish, le parachèvement des exigences qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient quoi? Attachés. Pas n'importe quoi de toute façon. On n'a pas dit qu'ils soient attachés à notre dénomination. On n'a pas dit qu'ils soient attachés au diplôme théologique ou bien à sa touche pour montrer qu'il est pasteur. Non, non, non, non, non. On dit qu'ils soient attachés à quoi? Pas n'importe quelle parole. À la vraie parole. Puis on dit, telle qu'elle a été enseignée. Autrement dit, les évêques doivent reproduire ce que les premiers évêques ont fait. Voilà les saintes écritures. Voilà les saintes écritures. Telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable de... Afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Stop. Donc, la sainte doctrine. On arrive. Donc vous voyez effectivement que si quelqu'un n'est pas nourri d'après la parole telle qu'elle a été enseignée, c'est normal que vous entendez que les anciens ont couché avec les pasteurs, ont couché avec les enfants, d'autres ont violé. Vous entendez ces choses, ces scandales-là. Parce qu'en réalité, ils se trouvent dans un endroit qui ne leur est pas donné. Les gens croient qu'il faut, pour être pasteur, il faut aller dans une école. Après avoir fait 7 ans ou 4 ans pour certains, d'autres même ne valident pas, on donne l'argent, on leur donne les notes pour qu'ils sortent avec les diplômes. Nous, ce signons, apôtre et prophète tel, reconnaissons que celui-ci était serviteur de Dieu. Dieu n'a pas donné à un être humain sur la terre de savoir qui est serviteur de Dieu ou pas. C'est lui qui l'a choisi. Voilà, n'est-ce pas? Il dit que ces gens-ci doivent être nourris de la vraie parole, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Puis il dit, pour que cette personne puisse être capable d'exhorter, non pas selon ses pensées, mais selon la saine doctrine. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ fait une reproduction claire des paroles qu'il a données depuis le premier siècle. Finissons là, mon frère. Et de réfuter les contradicteurs. Pas étonnant qu'ils ne veulent même pas des contradictions. Parce que lorsqu'ils sont, parce que chacun a sa tradition qu'il a attachée. Vous voyez, si vous prenez un catholique, vous mettez ici, un protestant ici, ils pourront dire, l'un pourra dire à l'autre que tu as marié chez toi alors que ce n'est pas écrit dans la Bible. L'autre dit aussi, justement, tu continues à protester, que tu ne dois pas protester. Parce que chacun a sa tradition. Mais si vous enseignez la sainte doctrine, vous demeurez dans la sainte doctrine, que tout se réunit contre vous, personne ne pourra vous contredire. Personne. C'est ainsi le frère Étienne dans la Bible. Vous voyez, le frère Étienne dans Actes chapitre 7, il a été tué à cause de cela. Parce que la Bible déclare que personne ne pouvait contredire la sagesse avec laquelle il parlait. Parce que lui, il s'est basé seulement sur la parole. Vous allez voir le frère Étienne, il va résumer la Bible depuis la Genèse jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Les pharisiens qui étaient des docteurs étaient là, ils étaient abasourdis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé mieux seulement de dire, nous avons entendu qu'il a blasphémé contre Moïse, le mensonge. Vous voyez? C'est pour ça, quand vous allez prêcher vrai, ce sont les gens des églises qui vont dire que non, ce gars-ci, ils disent aux gens que non, nous sommes des démons, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourtant, vous leur dites la vérité. Même s'ils sont des démons, vous leur dites démons, c'est quand même la vérité, frère. Voilà. Alors, ici, d'après le livre de Tite, chapitre 1, là, nous voyons clairement que les anciens, les évêques, doivent être nourris de la vraie parole. Alors la question c'est, où se trouve cette vraie parole? Afin qu'ils puissent exhorter selon la sainte doctrine. Remarquez très attentivement, l'exhortation, ça veut dire les encouragements. Et la Bible nous dit, exhortez-vous les uns les autres, pas vrai? Ça veut dire que si je rencontre ces frères-ci, il vient à la maison. Nous nous asseyons pour que je puisse l'encourager. On dit que je dois l'encourager, pas par mes pensées, pas par les études psychologiques de l'école. Il dit que je dois l'exhorter par quoi? La saine doctrine. Parce que si ça ne vient pas de la doctrine de Christ, ça ne peut pas t'édifier. Tout ce que vous preniez sur le plan humain pour pouvoir dire à quelqu'un comme conseil, si ça ne vient pas de la pensée du Saint-Esprit, ça va seulement rafraîchir l'âme de la personne. Ça ne pourra pas l'édifier. C'est-à-dire que vous allez calmer la conscience de la personne. Mais lorsque ça vient du Saint-Esprit, ça lui donne la force que le Seigneur Jésus-Christ a eue dans le jardin alors qu'il priait. Il était prosterné là-bas, il priait. Les grumeaux de sang coulaient de lui. L'ange est venu lui mettre la main pour le fortifier. C'est cette fortification aussi que ça va produire, la parole du Seigneur. Mmh. Et donc c'est pour ça que les évêques doivent être remplis de ces paroles-ci pour pouvoir exhorter. C'est-à-dire, une jeune fille vient vers vous. Il dit, j'ai commis la fornication. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pour que vous dites quelque chose concernant ce sujet, il faut que vous soyez animé du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas animé du Saint-Esprit, dites, ma chère, va prier. Sinon, vous allez donner des conseils. Vous dites, ah, oh, maintenant, comme tu es enceinte, là, je crois que ce serait mieux d'avorter comme c'est encore le liquide. Pas vrai? Qu'est-ce qu'on sait vous en train de donner? Vous en train de tuer, non? La personne a commis la fornication. Ayant l'enfant, vous conseillez maintenant de tuer. Parce qu'il ne faut pas que son père, sinon ton père va te tuer. Au milieu de l'église, on va dire, c'est toi qui te chante. Comment tu vas faire? Donc mieux on tue. Mais Dieu voit tout cela. Alors, les évêques doivent être remplis, nourris de la vraie, gardez-vous dans l'esprit, de la vraie parole, afin de pouvoir exhorter et de réfuter les contradicteurs. Les contradicteurs de la vérité. Vous voyez? Les contradicteurs de la vérité. Alors maintenant, écoutez bien, avant d'essayer de fermer ce sujet. Dans le livre de 1 Timothée, oh, c'est plein là, je ne sais pas. Vous me donnez encore un peu de temps de parler. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous sommes dans le titre là maintenant. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Ne notez pas, vous avez déjà noté ça aujourd'hui. Tout ce que je viens de dire là maintenant, ça sort des versets dont je vous ai donné. Il y a d'autres, je ne vais pas vous donner, je ne vais pas lire, donc vous allez lire à la maison. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, vous y êtes, verset 17. C'est ça que vous avez noté aujourd'hui. Allons-y. Pour cela, oui. Je vous ai envoyé Timothée, oui. Qui est mon enfant bien-aimé, oui. Et fidèle dans le Seigneur. Oui. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Oui. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Donc l'apôtre Paul dit ici à Timothée, enfin il en a dit aux Corinthiens, en les spécifiant que c'est pour cela qu'il a envoyé Timothée, parce qu'il marchait chaque fois avec Eraste, Timothée, Sylvain et autres là, n'est-ce pas? Et pour ce cas spécifique-ci, il dit aux Corinthiens que c'est pour cela qu'il a envoyé Timothée. Et Timothée est censé leur rappeler. Écoutez bien, Timothée ne va pas leur prêcher sa doctrine à lui. Il vient leur rappeler comment l'apôtre Paul enseigne dans toutes les églises. C'est-à-dire le même enseignement qui est prêché à Corinthe, doit être prêché à Éphèse, doit être prêché à Colosse, ainsi de suite. Vous savez, à Colossiens chapitre 4, si vous lisez les versets 14 et 15, il dira aux Colossiens que lorsque cette lettre vous sera lui, faites en sorte que vous lisiez également ce qui viendra de Laodicée. Parce qu'elle écrivait les recommandations, il donnait à Eras, à tous les autres là, qui partaient distribuer. Parce que c'est la même recommandation pour chacun. Au chapitre 16 de ce livre, à partir du verset 1, j'espère qu'il ne va pas vite. Vous m'entendez? Ok. Au chapitre 16, dans 1 Corinthiens, la Bible déclare, il dit, pour ce qui concerne la colère en faveur des saints, ça, au chapitre 16, maintenant, dans 1 Corinthiens, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Vous voyez? Il dit, pour ce qui concerne la colère en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Alors, la phrase est, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Si l'apôtre Paul ne nous amène pas cette phrase ici, on ne saura pas qu'il avait donné un ordre en Galatie. Donc il veut dire, c'est le même enseignement pour les Corinthiens, même prescription pour Galates. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Alors, l'enseignement chrétien ne peut pas varier. Pour qu'on parle tous un même langage, comme Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 16, comme vous avez noté aujourd'hui. L'unité de la foi. L'unité de la foi viendra tout à l'instant où le Saint-Esprit descendra sur l'Église, débarrassera l'Église des fausses doctrines, c'est-à-dire débarrassera des traditions qu'on a induites dans l'Église. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 16, lorsqu'il traite des foulards, des prières avec le voile, si vous lisez le chapitre 11, le verset 16, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Oui, n'est-ce pas, frère? Ça veut dire que dans cet enseignement, si l'apôtre Paul nous parle de l'ordre dans le gouvernement du Seigneur, dans la prière, comment l'homme doit prier sans avoir quelque chose sur la tête, alors que la femme doit prier en ayant la tête voilée. Au verset 16, donc, il dit que si quelqu'un se plaît à contester, vous comprenez cela? Il dit que nous n'avons pas cette habitude. Ça veut dire qu'au milieu d'eux, il n'y a aucun enseignement qui souffre de contestation. Il dit nous, quand il parle de nous, il parle des apôtres, ceux qui enseignent. Il dit nous n'avons pas cette habitude. Ça veut dire qu'au milieu de Pierre ne peut pas aller prêcher, l'apôtre peut venir dire non, je conteste ton enseignement est faux. Vous voyez cela? Et vice versa. Il dit nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises des saints. Ça veut dire que dans l'église de Dieu, on ne conteste pas les commandements du Seigneur. Au chapitre 14, il dit que je ne permets pas. Enfin, à 1 Timothée, au chapitre 14, il dit que la femme écoute l'instruction en silence. Au verset 37, il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et s'il ignore, qu'il ignore. Alors, manifestement, tous ceux dont là, qui sont aujourd'hui, les pasteurs et prophètes, qui consacrent les femmes pasteurs, ils ont ignoré le commandement du Seigneur. Vous comprenez ça, frère? On a des problèmes. La sainte doctrine doit être prêchée telle qu'elle a été donnée. D'accord? Titre chapitre 2, je vais finir par là, je crois que... Si, je ne vous ai pas donné ça tout à l'heure. Titre chapitre 2, vous pouvez noter. Titre, le chapitre 2. Notez le verset 1 à 5. La sainte doctrine. La sainte doctrine. Tant qu'on ne revient pas dans la sainte doctrine, et qu'on mélange toujours la parole de Dieu avec les traditions d'hommes, le Saint-Esprit ne viendra pas confirmer les paroles mélangées des traditions. Titre chapitre 2, verset 1 à 5. Maintenant, pour vous qui avez les Bibles dont les annotations sont au-dessus. Si vous avez les Bibles avec les titres, vous, voilà, comme le frère, c'est, je crois que vous avez les titres là, en gros caractères là-bas. Allons-y, lis les gros caractères d'abord, on entend. Comment Tite doit exhorter les vieillards, oui, les femmes, les jeunes hommes, oui, les serviteurs, oui, et quel exemple il doit donner à, quel exemple il doit donner lui-même. Voilà, maintenant allons-y, verset 1. Pour toi, je dis les choses... Non, que... non, non, il n'y a pas « j'ai ». Allons-y, lis ce qui est écrit. Okay. Oui. Pour toi, oui, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Arrêtons d'abord là-bas. Vous avez vu, nous sommes touchés le problème de la sainte doctrine, pas vrai? Ici, l'apôtre Paul dit à Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc quand tu prêches, enfin, à Timothée va dire la même chose. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, pas vrai? Ici, il dit, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc, si vous êtes ici, vous êtes enseignant de la Bible. Vous faites de cette magnanimité d'aller lire les œuvres de quelqu'un pour venir enseigner. Vous aurez le problème avec le Seigneur. Parce qu'il se pourrait que cet homme soit dans l'erreur et vous en êtes véhiculé cette même erreur. Qu'est-ce que vous devez faire en tant que serviteur du Seigneur? Prenez juste les Saintes Écritures et lisez. Lisez juste les Saintes Écritures. Lisez, nourrissez-vous juste des Saintes Écritures. Et le reste se trouve dans la prière. Mettez-vous à genoux, priez. Le Saint-Esprit mettra les messages sur vos cœurs. D'accord? N'essayez pas d'aller faire comme les pasteurs font là, ils prennent samedi soir, après avoir bu le vin, ils partent dans un bureau, ils ouvrent les anciens cahiers, ils regardent, amour. Ils regardent les versets sur l'amour, ils voient 3-4 versets. Ils disent premier verset, deuxième verset. Après, ils disent l'amour de Dieu, c'est quoi? Ne faites pas ça. C'est la mort, ça. C'est la mort. Laissez-vous guider, poussez par le Saint-Esprit. D'accord? Alors, ici, il dit à Tite, dites les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, il dit à Tite de ne pas prêcher autre chose, autre que ce que le Jésus a donné. Dis les choses qui sont conformes, qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc, je dois veiller que l'enseignement soit exactement à la ligne telle qu'on a prescrit dans les Saintes Écritures. Allons-y. Dis que les vieillards doivent être sobres. Sobres, oui. Honnêtes. Oui. Modérés. Oui. Saints dans la foi. Oui. Dans la charité. Oui. Dans la patience. Donc, vous voyez, effectivement, en prescrivant aux gens, aux vieillards, parce qu'ici, il est question des vieillards, en prescrivant aux vieillards d'être sobres. Donc, ça veut dire que si vous avez au milieu de vous les gens qui partent voir le bilibili, boivent le vin de Parme, ils font comme ça là. Vous devez leur dire que la sainte doctrine veut que tu ne fasses plus ça. En disant cela, c'est la sainte doctrine. Quand vous allez dire ça dans l'église catholique maintenant, on va dire pourquoi tu juges. Mais pourtant, c'est la sainte doctrine. La sainte doctrine est faite pour juger le péché, la vie du péché. La sainte doctrine, c'est faite pour juger la vie du péché. Vous ne pouvez pas exhorter votre frère, l'encourager sans juger. Enfin, levez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Levez-vous, tenez-vous seulement de vous. Je crois que c'est aussi une façon de vous faire un peu vous décontracter. Maintenant, asseyez-vous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous voyez, sans exception, j'ai vu les frères, chaque personne s'est assis sans toucher sa chaise. Parce que vous êtes sûr que la chaise est derrière vous, pas vrai? Vous avez produit un jugement. Parce que vous avez jugé. Parce que si quelqu'un avait tiré la chaise derrière, vous ne vous serez pas assis comme ça. Vous êtes assis directement, sachant qu'il y a la chaise derrière vous. Vous avez jugé que c'est bon, pas vrai? Pour vous asseoir. Lorsque vous stoppez un taxi, vous voyez que le chauffeur est bizarre, il regarde, les yeux sont rouges comme du sang à l'intérieur. Vous faites comme ça que passe, pas vrai? Si vous voulez stopper un taxi, les femmes là, vous avez le sac, vous avez de l'argent dedans. Vous voyez qu'il y a deux personnes, deux garçons dans la voiture déjà. Vous dites que passez, pas vrai? En faisant ça, vous exercez des jugements sans vous en rendre compte. Parce que vous avez jugé que c'est dangereux que j'aille ici. Mais lorsqu'on veut appliquer ces mêmes principes de la parole de Dieu sur votre vie, vous dites tu es qui pour me juger? Alors sachez que chaque fois que vous allez lire la Bible vous juge. Chaque fois, quand la Bible déclare fuyez le péché, est-ce qu'il a des blagues avec vous? Quand la Bible déclare fuyez la fornication, ça veut dire que si tu es en train de forniquer, il a dit que je te vois. Tu dois fuir la fornication. D'accord? Mais pourquoi alors, quand on prend cette même chose, on vous dit qu'on vous juge? En tout cas, même si on dit qu'on vous juge, on vous juge de toute façon, c'est quand même le bon jugement. Pas vrai? Alors ici, Tite doit dire ces choses. Il dit que les vieillards doivent être sobres. Parce que s'il y a des vieillards parmi nous, je ne fais que dire ce que la Bible a dit. Que vous devrez être sobres. Le verset 3 dit quoi? Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'est-ce pas ce qui est écrit, frère? Oui. Alors, remarquez très attentivement, il dit que. Donc, celui-ci ne doit répliquer que ce qui a été dit. Voilà la sainte doctrine. D'accord? Voilà donc les enseignements de la sainte doctrine. C'est plein dans les saintes écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. J'ai fini. Donc, la sainte doctrine, en réalité, c'est ce que je viens d'expliquer là, si vous avez saisi. Des questions? Peuple des Éguinchois, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, oui, mon frère. Merci. Vous entendez là-bas derrière? Oui. Non, assieds-toi, frère. Sens-toi libre, oui, d'accord? Oui, je m'en Alors, moi, j'ai un problème par rapport à la façon de prier. Oui. D'un chrétien. Parce que, quelquefois, les gens voient ça comme un mal quand nous sommes réunis dans l'Assemblée de Dieu, oui. en de faire. Mmh. Et quand nous prions, nos voix s'élèvent. Mmh. Et les gens voient ça comme de l'hypocrisie, comme si nous nous montrons. Oui. Que nous croyons en Dieu et l'autre ne croit pas. Oui, et l'autre ne croit pas. Donc, ce n'est pas dit dans la Bible, puisque c'est vraiment contraire aux Écritures. Bon, qu'est-ce qui est contraire aux Écritures? Le fait qu'on prie à haute voix. Ouais. Ok. Maintenant, si on voit ça dans les Écritures, maintenant, l'Écriture serait contraire elle-même. Bon, alors maintenant, d'abord, avant de répondre à la question, je vous pose la question. D'accord? On prie à qui? À Dieu. Dans ce cas, si on prie à Dieu, j'écris, en quoi ça te dérange? Si toi tu prends le micro pour prier, Seigneur, je t'aime, fais pleuvoir sur Ziguinchor, pendant que l'autre en train de dire que Seigneur, ma grand-mère est malade, vous criez, est-ce que Dieu n'entend pas? Criez avec tous les micros comme vous criez là, avec le désordre. En fait, ce sont les gens qui ont le background catholique qui ont ces problèmes-ci. Parce que quand vous allez à l'église catholique, les gens ne savent pas. Vous allez, quelqu'un va dire que non, vous me déconcentrez. Je vais te concentrer sur la tomate. Quand vous voulez vous exprimer à Dieu, vous exprimez à Dieu, pas vrai? Maintenant, regardez bien. La question à qui est-ce qu'on prie est important de comprendre. Parce que quand quelqu'un est de prier, il crie à Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Il crie à Dieu. Si tu es à côté, si tu veux crier, si tu veux parler doucement, même si vous fermez les yeux, vous parlez dans votre cœur, Dieu entend. Allons-y, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Donc, la question qu'il a posée, il a dit au milieu des assemblées. De l'assemblée, quand on prie à haute voix, d'autres personnes disent que c'est l'hypocrisie parce que d'autres personnes peuvent penser qu'ils ne savent pas prier. D'accord? Et ils disent que c'est contre les Écritures de prier à haute voix. On y va? Mm-hmm. Actes des Apôtres, chapitre 4. Il dit, je reconnais que c'est... En tout cas, si je me mets ici à genoux à prier, si je me mets ici à genoux à prier, ou je me couche là, je commence à prier. Si vous voulez, mettez vos quatre baffles là-bas tout autour de moi, vous jouez vos musiques. Ça ne me dérange pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, si je suis dans la prière et que j'entre dans l'esprit, tout ce que vous faites à côté, que la maison brûle, que vous criez n'importe quoi, que vous faites n'importe quoi, le désordre, ça ne me dérange pas. C'est pour cela que quand j'enseigne souvent comme ça, après quand j'écoute l'enseignement sur Bamba Iba, j'entends les enfants prêcher, bavarder là, beaucoup de bruit. Je dis, mais ces enfants, c'est parler à quel moment? Parce que quand ils prêchent, je ne les entends même pas. Vous comprenez cela? C'est lorsque vous voulez prier, vos oreilles sont là, vous écoutez la prière de quelqu'un. Pourquoi? Quand je veux prie ta prière, adresse-toi à Dieu. Si quelqu'un crie, quelqu'un pleure, dans ta prière, tu ouvres les yeux. Qu'est-ce que elle pleure pourquoi? Parce que vous voulez écouter sa prière, c'est ça le problème. C'est pour ça que ça dérange. Or, quand vous êtes en train de parler à Dieu, que quelqu'un pleure, il sait pourquoi il est en train de pleurer. L'autre crie à haute voix parce qu'il est dépassé par des événements. En même temps, l'autre est catholique, il a porté le blanc, il dit non, je ne peux pas me saler ici. Lui, il est en train de regarder comment les gens prient. Après, il dit que non, il prie dans le désordre. C'est lui qui prie. Est-ce lui qui prie? Voilà. Est-ce que Dieu a dit que c'est le désordre? Parce que sur la terre, pendant que vous allez prier, si vous priez en tel lieu, un ici à Ziguinchor, l'autre là-bas à Dakar, l'autre du côté de Saint-Louis, vous allez prier, Dieu est en train d'écouter ces mêmes prières au même moment. Que vous soyez 100 milliards, ça ne dérange pas Dieu. Toi, tu es à côté, tu entends une seule voix. Pourquoi ça te dérange? Verset 17. 17. Qui va lire cela? Qui va nous lire ça? Chapitre 4 des Actes. Tu parviens à voir, frère? Oui. À partir du verset 17, nous allons descendre, d'accord? Allons-y. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en son nom-là. Oui. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mmh. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Mmh. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Stop. Il fit quoi, frère? Ils élevèrent à Dieu la voix. Il l'a, c'est écrit au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Donc, vous voyez, effectivement, si vous ne lisez pas les Saintes Écritures, on va vous dire que les choses ne sont pas scripturales, alors que c'est scripturé, n'est-ce pas? Mm. On dit, après avoir entendu ces choses-là, ils élevèrent à Dieu tous ensemble la voix à Dieu, pas vrai? Mm. Et ils priaient. Donc, si en fait, si vous voulez, si ça vous dérange, quand vous allez au ciel, vous allez entendre le même bruit. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 7 et chapitre 14, la Bible déclare que la multitude qui est au ciel ouvre la bouche, chante d'une voix au point où on entend comme c'était les grosses eaux. Et chante les cantiques de l'agneau. Et tout le monde chante au même moment. Alors donc, ça veut dire que ces cris-là, si vous êtes dérangé, c'est aussi vous allez déranger. Vous allez dire à Dieu, dis aux anges de se taire pour qu'ils puissent chanter. Les anges la troublent. Donc la prière en criant, enfin, quand il a dit à Isaïe au chapitre 1, il a dit pour la prédication, il a même dit, crie à plein gosier, n'hésitez pas. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si quelqu'un ne sait pas prier en entendant d'autres prier, ça veut dire qu'il a un problème. Il faut savoir qu'il sache d'abord que la prière n'est pas adressée aux individus qui sont aux côtés. C'est à Dieu. Et donc chaque personne peut avoir adopté une attitude de prière. Vous lisez 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. La Bible déclare Anne qui cherchait l'enfant. Vous savez cette Anne-là qui avait problème d'enfantement. Mm-hmm. Quand elle était dans le sanctuaire, elle priait. La Bible déclare sa voix ne sortait pas, mais elle ne faisait que remuer la bouche. Donc sa bouche balbutiait, mais à l'intérieur elle pleurait, déversait son âme sur le Seigneur. D'accord? Alors donc il y a différentes phases de prière, différents styles de prière dans la Bible. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas un style de prière stéréotypé, monotone, dans les Saintes Écritures. Parce qu'ici dans Actes chapitre 4, nous voyons effectivement que les gens ont élevé la voix pour prier. D'accord? Des questions? Oui, mon frère. C'est la liste des questions comme ça? Non. Courage, mon frère. Okay. Oui. C'est par rapport à deux passages que je n'ai pas bien compris. Dans 1 Thessaloniciens 4, 7, oui. La Bible nous parle des morts en Christ, oui, qui vont ressusciter premièrement, ensuite oui, les vivants seront transformés. Oui. Et quand nous lisons Luc chapitre 23, verset 43, oui, nous voyons que Jésus-Christ qui promettait au bon larron, oui, qui serait avec lui ce jour-là même au paradis. Oui. Donc je demande si déjà il y a des saints qui ont cru en Jésus, oui, au moment où nous parlons au ciel. Oui. Bon, maintenant je pose la question. Quand tu parles du ciel, tu parles de quel ciel? Paradis. Le paradis. Non, le paradis, c'est pas le ciel. Parce que Jésus ne se trouve pas au paradis. Ah bon? Ah bon, oui, c'est ça, frère. Le ciel de Dieu n'est pas au paradis. Le ciel de Dieu, c'est pas le paradis. C'est, tu vois le problème, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai posé la question? Parce que souvent, quand je discute avec des catholiques, oui, quand je leur dis la prière à Marie, oui, que c'est pas, vous ne devez pas faire ça, ils me disent que Marie est déjà au ciel. En passant par où? Elle est passée par où pour aller au ciel? Elles disent que c'est une sainte, elle a cru en Jésus, donc elle est morte, elle est déjà partie au ciel. Déjà, même la doctrine catholique, il y a beaucoup de catholiques qui ne connaissent même pas la doctrine catholique. Le 15 août dernier, célébrait l'Assomption, la montée de Marie au ciel. L'Assomption est différente de l'Ascension. Oui. Jésus, au moins, est mort avant de ressusciter. Pour Marie, ils disent que Marie n'est même pas morte. Elle n'est même pas morte, donc ça veut dire qu'elle est allée avec son corps de chair. Donc c'est autre chose là-bas. Ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Maintenant, arrangeons ces choses-ci. Le paradis est différent du ciel où se trouve Dieu. D'accord? D'accord, frère? Mais regarde d'abord comme ça, il dit que qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Le paradis, c'est le lieu de repos des croyants avant la résurrection. Parce qu'il faut un lieu pour les garder. D'accord? Mais c'est déjà un lieu de félicité. Mais le vrai problème, là, c'est que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, il est dit là-bas qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, à la trompette de Dieu, quand Dieu lui met son nom à la trompette, le Seigneur Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, n'est-ce pas, ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés vivants, nous serons en un instant transformés. Et puis on sera enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Et puis nous serons pour toujours auprès du Seigneur. Là maintenant, nous nous trouvons dans la salle des noces. La noce ne se trouve pas au niveau du paradis. Le paradis, c'est le lieu où ils attendent. La Bible appelle ça le sein d'Abraham. D'accord? Okay. Voilà. La Bible appelle ça le sein d'Abraham, c'est le lieu de repos. Lorsque quelqu'un meurt, il y a deux destinées. Selon que vous aviez cru au Seigneur Jésus ou pas. Si vous lisez Luc chapitre 16, quand vous avez lu ça, non? Verset 19 à 31, l'homme riche et Lazare. Lorsque vous mourrez sans Christ, sans espérance en Christ, vous descendez. Dans Proverbe chapitre 15, il est dit clairement que le sujet de mort se trouve en bas et le chemin de la vie se trouve où? En haut. Donc quand vous mourrez avec l'espérance en Christ, vous montez, vous ne descendez plus. Et pour ceux qui descendent, ils attendent le jugement pour la géhenne, pour qu'on les sanctifie, pour qu'on les condamne pour l'éternité. Pour ceux qui sont là-bas, dans l'espérance, on va leur certifier justement que ce à quoi vous avez cru est certain. Entrez et entrez dans la joie de votre mère. Donc le paradis n'est pas la même chose par rapport qu'au ciel, d'accord? C'est un autre niveau du ciel, mais pas là où se trouve le Seigneur. C'est pas là où son trône se trouve. C'est encore plus haut, son trône se trouve encore plus haut. D'accord, frère? Des questions? Oui, par là-bas. Moi, je constate que dans certaines Bibles... Oui. Donc, comme Saint Projet, oui, il y a quelque chose qui m'a pas plu parce que je vois Palestine à l'époque de Jésus. Oui. de l'Ancien Testament. Oui. Et pourquoi dans certains livres on parle de Palestine, alors que dans la Bible, si nous lisons, on ne voit pas le mot Palestine. Bon, maintenant, déchire cette feuille-là, tu jettes. Déchire, déchire, frère. Déchire. Voilà. Regardez bien quand il va déchirer, vous allez voir ce qu'il en est, n'est-ce pas? Voilà. Palestine dans l'Ancien Testament. Maintenant, essaie de froisser comme ça, tu jettes à distance. Ces choses, vous riez, vous ne comprenez pas le pourquoi. Et parce qu'il a dit que quand il voit, ça le dérange. Donc, quand ça le dérange, quand quelque chose vous dérange, enlevez. Vous voyez cela? Voilà. Plus ça maintenant, frère, dépôt, jette ça là-dedans. Voilà. Si tu salis la cour du frère, dis attends, tu vas balayer. Maintenant, prends ta Bible maintenant encore. Est-ce que ça te dérange encore? Ça ne te dérange pas. Voilà. Maintenant, le vrai problème, c'est que c'était la quatrième de couverture. Ça ne touchait à rien dans les Saintes Écritures. Donc, tu as enlevé ces quatrièmes de couverture que les hommes ont ajoutées, peut-être pour faire que tu comprennes qu'à l'époque de Jésus, il y avait telle chose à tel endroit. Mais ce n'est pas l'écriture de Dieu, ça. Ça ne touche pas les Saintes Écritures. Donc, comme tu as enlevé ce qui te dérange, maintenant tu es libre, d'accord, frère? Des questions? Y a-t-il des questions? Comment? Ok, voilà, le frère s'est dit que s'il n'y a pas quelqu'un, il y a toujours des questions. Donc, souvenez-vous, demain, on va œuvrer. J'attends que vous posiez des questions. Et puis, d'abord, vos questions. Et puis, je vais vous apporter le boulot. Pourquoi je suis ici à Zéguinchor? D'accord? Amen. Alors, Oui, mon frère. Je vais poser une question. Essayez de parler pour que les gens qui sont dehors puissent entendre. D'accord, merci. Mm-hmm. Et par rapport maintenant au jugement. Au jugement. C'est l'âme de la personne qui va en jugement ou c'est l'esprit? Non, tu seras dans ton corps, dit la Bible. D'accord, je veux dire la personne qui est morte en Christ, par exemple. Bon, Jésus. Qui va au paradis. Oui. Qui est mort en Christ, qui va au paradis. Oui. Et le jugement n'est pas encore venu. Non. Enfin, il ne sera jamais jugé. Oui, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui monte au paradis? C'est l'âme. Il y a trois parties de ton corps. Il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'esprit. Dans le livre d'Ecclésias au chapitre 12, la Bible déclare que lorsque le fil est coupé sur la terre, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. D'accord? Mais il y a une loi qui dit que tu es poussé, tu retournes dans la poussière. Ça, c'est l'enveloppe-ci. Maintenant, l'âme, maintenant, c'est la partie donc pour laquelle Jésus est venu. Dans Matthieu chapitre 10, il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Et aussi chapitre 10, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. Donc, effectivement, que c'est l'âme pour qu'elle soit détruite, ce n'est pas par la terre. Le feu, vous mettez le feu, quelqu'un meurt dans le feu, comme les bandits où on brûle là. Ça ne pourra jamais détruire son âme. D'accord? Donc, l'âme, c'est cette partie qui va soit donc au séjour des morts, soit au paradis. D'accord? Et donc, maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, que vous lisez tout à l'heure, chapitre 3, il est dit effectivement que tu ne permettras pas que mon âme reste dans le séjour des morts. Donc, c'est l'âme, il y a trois endroits. L'âme va soit au paradis, soit au séjour des morts. Et c'est le séjour des morts qu'on appelle enfer. D'accord? La poussière-ci, là, cette terre-ci, retourne là-bas. Et puis, le souffle, l'esprit retourne au Seigneur. D'accord? Et peu importe l'esprit, même si l'esprit... Que ce soit l'esprit d'un sorcier, ça retourne à Dieu qui l'a donné. Parce que, quel qu'en soit, pour que tu aies la respiration sur la terre, que ce soit sorcier, c'est Dieu qui a donné. Vous voyez que c'est même lui qui nous dérange, pas vrai? Parce qu'il ne voulait pas les sorciers, il ne leur donnerait pas l'esprit. Pas vrai? Mais c'est lui. Ça va, frère? Oui, mon frère, donc, il arrive là. Je vais poser une question. Oui. Concernant l'âme et l'esprit. Oui. Y a-t-il une différence entre âme et esprit? Ou bien c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Je viens de dire, lorsque ces choses-là, on ne peut pas les enlever, mais je peux vous montrer en image pour que vous saisissez. D'accord? Regardez. Votre corps tel que vous me voyez, n'est-ce pas? Vous voyez, mais en réalité, vous ne voyez pas la personne qui parle. Ce que vous voyez, c'est que vous voyez une forme physique. Parce que dans la matière, dans notre dimension, pour toucher, il faut que votre œil puisse discerner. D'accord? Maintenant, en dehors de moi, si vous ne voyez personne qui se tient ici avec vous, pas vrai? Vous voyez que vous ne voyez pas cette personne qui se tient ici? Vous pouvez le voir. Parce qu'en réalité, on ne le discerne pas avec les yeux. Lui ne paye pas le billet d'avion. Il dit seulement qu'on se retrouve là-bas. Lui ne prend pas le visa. Tu ne peux pas prendre le visa, tu prends ton passeport. Lui, il arrive là-bas. C'est parce que vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un, celui qui se tient ici maintenant, vous ne pouvez pas le voir. Puis encore, moi qui suis devant vous, et moi-même, voici un frère devant moi. Quand je dis bonsoir, mon frère, vous voyez, on se salue comme ça. Mais là-bas, à l'intérieur, se trouve le vrai être pour lequel Christ est venu pour mourir. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, dans cet être-là, se trouve être animé par le souffle de Dieu, le Zoé de Dieu. Comme Dieu donne son Zoé à tout être, il va reprendre ce Zoé-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, et l'homme devint une âme vivante. et l'homme. L'Éternel souffla dans les narines et l'homme devint une âme vivante. L'homme devint. Il y a l'homme qui devint maintenant après l'animation de Dieu. Il devint une âme vivante. D'accord? Dans cette terre-ci là maintenant. Donc le vrai moi, c'est pour ça que personne ne peut pas me m'atteindre. Il peut faire quelque chose d'ici, comme je viens de citer la Matthieu là, mais sans toucher à celui-là. Le but des persécutions que vous avez là, c'est pour que cette personne-là qui est à l'intérieur lâche la foi en Christ Jésus. C'est vraiment le but. Quand vous coupez la main, ça vous est jamais paru bizarre? Jean-Baptiste, le prophète qui a présenté le Seigneur Jésus-Christ, on dit de lui qu'on a coupé sa tête, non? N'est-ce pas, frère? Et comment ça s'appelle cette femme-là, Hérodia, a pris sa tête, la tête de Jean-Baptiste, peut-être pour aller faire les fétiches, d'accord? Mais la Bible déclare que ses disciples sont venus récupérer le corps de Jean-Baptiste, pas vrai? Mais là, je vous pose la question. À la résurrection, Jean-Baptiste aura la tête. La tête là, ça sort d'où? Donc, vous pensez que Jean-Baptiste va sortir, mais que, mais voici, sans tête. Oh, vous voyez, ça veut dire que si vous coupez la tête de quelqu'un, vous allez avec. La personne qui est à l'intérieur, vous ne pouvez pas couper sa tête. Parce que l'être qui est à l'intérieur est plus grand que ce qui est là. D'accord? Vous ne pouvez pas l'atteindre. De la même façon, si on vous amène au commissariat à cause du nom de Jésus, on vous chicote, quand vous pleurez, vous dites, waouh, waouh, le Saint-Esprit, lui, ne pleure pas. On ne lui fait pas de... C'est à toi qu'on fait du mal. Donc, l'esprit qui est à l'intérieur, qui anime l'âme dont nous sommes, est totalement différent. D'accord? C'est constitué même en matière de deux choses différentes. C'est pour ça que ça va dans un lieu différent. D'accord, mon cher frère? Voilà. Je prends là-bas. Oui. Ah, tu as la réponse. Ok. Des questions? S'il n'y a pas de questions, comme c'est, il s'est fait tard, je vous laisse alors. Pour se rentrer, comment? Oui, ma chère. En fait, j'aimerais savoir comment faire pour tenir. Pour? Parce que papa, à la maison, on sent des lourdeurs, tout ça. Oui. Pour tenir. Pour tenir. Persévérer. Maintenant, ferme ta Bible. Ouvre-moi le livre des Hébreux. Oh. Oui. Tu es dans Hébreux. Oui. Chapitre 10. Oui. Versets 1, 2 et 3. Allons-y. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Voilà. Autrement, n'aurait-on pas cessé les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifié, n'aurait plus eu aucune conscience de leur péché. Voilà, d'après ce qui est dit là-bas, on est en train d'expliquer que dans l'Ancien Testament, ceux qui venaient faire les cultes chaque année, si ce culte-là était parfait, ils n'auraient pas cessé de le faire parce que dans ce cas, il serait parfait. À l'image de cela, on est en train d'expliquer que le culte chrétien est un culte parfait. De telle enseigne que lorsque vous venez à Christ de la bonne façon, le souvenir de toutes vos iniquités sont oubliés. Totalement disparu. Pour Dieu, vous n'avez jamais péché. C'est bizarre. Même si vous pensez que oui, je suis un pauvre pécheur. Dieu dit que je ne te vois pas comme un pauvre pécheur. Tu es un grand saint. Amen. J'arrive, d'accord? Verset 14. Au verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et que l'assemblée dise Amen. Amen. Donc par une seule offrande, le Seigneur Jésus a amené à la perfection. Ah, amen. Papa va amener. Ah, amener. À la perfection. Et on dit pour toujours. Donc c'est définitif. Ceux qui sont sanctifiés. Donc le problème se trouve au niveau de la sanctification. Maintenant, ces lourdeurs-ci sont causées par des êtres qui t'empêchent pour suivre et marcher dans la voie droite telle que se doit. Il faut donc identifier, première chose, identifier les choses qui peuvent t'empêcher de communier autour de Saintes Écritures. C'est-à-dire, quand vous regardez vos activités journalières, est-ce que par jour, tu passes beaucoup plus de temps dans la parole ou bien dans des divertissements? Parce que les divertissements sont causés par des esprits pour nous dérober la vraie voie, la voie droite. Ces choses-là, quand vous passez le temps, vous allez remarquer, quelqu'un en soirée sera sur WhatsApp pendant 4 heures de temps. Quand il ouvre la Bible, dès qu'il touche la Bible, il fait... Dès qu'il touche la Bible, il dit touche la Bible sans avoir lu. Il ouvre maintenant, il n'a plus ses yeux, on dit... Seigneur, tu es miséricordieux. Et puis WhatsApp est quoi donc? Vous voyez combien de temps il a passé avec WhatsApp? N'en parlons pas avec des films alors. Cette personne, quand elle va dormir, il invite Dieu qu'il a intérêt à le protéger. Pourtant, quand il a passé la journée, il a refusé la communion avec ce même Dieu. Mais la nuit, il dit à Dieu que tu as intérêt à me protéger. Comme Dieu est miséricordieux, il le protège toujours. Le grand matin, quand il se lève, quand il regarde ce qu'il marche, le groupe-ci là, les groupes-ci, il est où? WhatsApp. Quand l'heure du travail arrive, il demande à ce Dieu-là que tu as intérêt à me protéger dans la journée. Dieu devient donc notre outil de protection, ou mieux notre gris-gris. Pour éviter toute lourdeur, comme cette sœur nous dit, vous devrez d'abord mesurer tout autour de vous les choses qui peuvent vous distraire et vous en débarrasser. Parce qu'aucune de ces distractions ne peut vous édifier pour vous amener vers le Seigneur. Aucune. Écoutez maintenant bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Toto est en Israël. Tu es en compagnie de qui, frère? Tu es en compagnie de qui? Mais qui trouve son plaisir, qui trouve son plaisir, il ne fait pas ceci, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite quoi? Jour et nuit. Voilà les signes d'écriture. Puis la Bible déclare qu'il est comme un plante, comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se fructifie point. Il rassure que tout ce qu'il fait lui réussit. Après avoir lu Toto en Israël, on lit maintenant les femmes qui ont péché de leur mari, d'où on lit autre chose, on voit des accidents sur WhatsApp, on a des cauchemars, on commence à se plaindre. On dit, dans la nuit, je voulais appeler Jésus, il ne parvient pas à ouvrir la bouche. Comment tu vas ouvrir la bouche? Oh, pourtant, remarquez très attentivement, quand vous ouvrez les Saintes Écritures, tout à l'heure, nous parlions de l'âme, le corps et l'esprit, pas vrai? Quand vous nourrissez, vous êtes sur le téléphone, vous nourrissez votre. Qu'est-ce que vous nourrissez avec ce que vous voyez? La Bible, Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Il veut dire, faites attention avec ce que vous regardez. Parce que de ce que vous regardez, en dépend ce que votre corps est en train de recevoir. Votre corps à l'intérieur, vous mangez avec les sens que vous percevez des choses spirituelles. Sur le plan physique, vous vous nourrissez vers la bouche. Alors, lorsque vous entendez des choses, des informations, les informations que vous pouvez avoir peuvent vous faire briser dans la foi ou bien vous encourager. Les images que vous regardez imprègnent en vous soit la détermination, soit vous disloquez par rapport aux Saintes Écritures. Alors, lorsque vous mettez devant vous ces choses-là, les choses souillées, David dit dans Psaume 101, verset 3, la partie A, il dit, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux, pas vrai, de mauvais. Je ne mettrai pas ça devant mes yeux. Alors, lorsque tu mets cela, tu nourris ton âme. Tu nourris ton âme des choses, des puantes de ce monde-ci. La nuit donc, quand celui-ci est en repos, ce corps-ci est en repos, les esprits vont attaquer celui qui est à l'intérieur. Il n'a aucun système de défense. Vous voyez? C'est pour ça que vous entendez quand vous appuyez sur le lit. Parce que vous n'avez pas quelque chose pour vous. Or, la parole de Dieu vous habille à l'intérieur. La Bible dit quoi? Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Vous allez porter Jésus pour porter sur vous. Est-ce que vous allez porter Jésus? Vous avez vu Jésus quelque part comme un vêtement? La Bible déclare de vous revêtir du Seigneur Jésus. Prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Vous avez lu ça dans la Bible? Vous avez appris les âmes alors? Ça se trouve dans les Saintes Écritures. Alors, plus vous lisez la parole, plus votre corps à l'intérieur est nettoyé et fortifié. Un peu comme quelqu'un qui fait les pompes chaque fois pour que les muscles puissent monter. D'accord? Les Saintes Écritures, l'accoutumance à lire les Saintes Écritures, à y méditer, plonge votre être dans la dimension où Christ règne. Et fait donc qu'il soit votre garde à l'intérieur. Puis votre assurance repose sur lui. Là maintenant, vous êtes imbattable avec les échecs, les différents échecs et maths de ces esprits qui viennent pour donner la pesanteur. La pesanteur donc ne vient pas sur la chair, ça vient à l'intérieur. Parce que l'être intérieur ne peut pas rester neutre. Il faut qu'il soit gouverné par quelque chose. Vous devrez être gouverné par la parole. Si vous ne venez pas à la parole, vous ne serez pas sans vous laisser. La Bible déclare que si ces choses sont envoyées, elles sont en abondance, elles ne vous laisseraient pas oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord, frère? D'accord. Donc maintenant, première chose, examen de ton entourage. Qu'est-ce qu'on fait qui ne sont pas utiles pour notre foi? Les éliminer systématiquement. Au fur et à mesure que vous allez dans cette voie, vous allez voir effectivement que vous allez mourir pour ce monde-ci. Mourir. Mourir au sens propre, ce monde-ci. Il y aura un désintérêt pour les goûts de ce monde-ci. Vous n'allez plus suivre le vent, la direction que prennent les gens de ce monde-ci, parce que tout le monde, il y a la Coupe du Monde, vous allez tout le monde aller voir, les lions de la Tiringa, les lions de la Tiringa, où on passe la moto, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, c'est quoi le Sénégal joue? Vous savez, il y a un monsieur qui m'avait dit, le moment où il prit, c'est le moment de la Coupe du Monde, le final. Il dit pourquoi? Il m'a dit, parce qu'à la finale, les gens sont concentrés sur la télévision. Il est sûr donc que personne ne dérange Dieu à ce moment-là. C'est là maintenant il va vers Dieu, maintenant il prie parce qu'il est sûr qu'au moins les millions de personnes sont déconcentrées. Et regardez bien, quand vous voyez toute cette énergie que les gens vont dans cette direction-là, vous êtes dedans. Pourquoi ne pas trouver le temps pour prier devant le Seigneur? Parce que quand les gens-là vont avoir les voitures de luxe à l'issue des ballons, ils ne vous donneront pas 5 francs. Concentrez-vous dans la loi de Dieu et méditez-y. En cela, vous avez l'espérance pour la vie suivante, pour cette vie-ci et pour la vie à venir. Aucune distraction de la vie terrestre ne vous procurera un seul iota pour la vie éternelle. Alors débarrassez-vous-en. Des questions? Oui, mon cher. Je voulais poser une question concernant la doctrine du salut. La doctrine du salut. Il y en a d'autres qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, d'autres disent qu'on peut perdre le salut. Toi, mais au milieu, tu dis quoi? Moi, je dis qu'on peut perdre le salut. Bon, mais j'arrive, toi, maintenant, prends ainsi. J'arrive, hein. Tu vas me dire ça, où tu as ça pour perdre. Oui. Allons-y, frère. Bon, ma question te relate un peu sur ce que Raymond avait dit tout à l'heure. Oui. J'ai bien compris quand vous avez dit que le ciel, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas au paradis, oui, parce que c'est réservé à ceux qui vont éditer la loi. Oui. Mais maintenant, quand vous êtes descendu pour dire que par rapport au séjour des morts, oui, pour dire que si je me rappelle bien, c'est comme si ceux qui n'ont pas l'espérance en Jésus-Christ, eux, ils sont morts et ils sont déjà dans le séjour des morts. Absolument. C'est comme pour dire que le jugement a été déjà tracé pour eux, parce non, que ceux qui, après eux, ceux qui par contre espèrent en Christ sont déjà dans le royaume des cieux. Non, pas encore. J'ai pas bien pas encore compris par là. Voilà, regarde bien. Il y a différence entre l'enfer et la géhenne. D'accord? Parce que beaucoup de personnes, quand vous prêchez, vous dites, si tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Dans la tête des personnes, ils croient que l'enfer, c'est la destination finale. D'accord? L'enfer n'est pas la destination finale parce que l'enfer même sera détruit. D'accord? Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 10 à 15, le verset 15 particulièrement, la Bible déclare « La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » D'accord? Parce qu'au jugement, la mort et le séjour des morts doivent renvoyer tous ceux qui se trouvent à l'intérieur pour qu'ils soient jugés. Et puis quand ils seront jugés, ils seront maintenant jetés dans les temps de feu. Donc la destination finale, le lieu de destruction, est appelée la Géhenne, la seconde mort. D'accord? Les temps ardents de feu. L'enfer y sera jeté aussi. L'enfer donc, c'est le lieu où les gens sont stockés, ceux qui ne marchent pas d'après la voie de Christ ici en bas, d'accord? Vous pouvez lire ça dans le livre de Luc, chapitre 16, particulièrement, d'accord? Verset 19 à 31. Maintenant, de la même façon, comme l'enfer est un lieu d'attente pour pouvoir envoyer dans les gens, leur paradis à eux, de la même façon, il y a le lieu d'attente, le lieu du repos. On leur dit clairement là-bas d'attendre jusqu'à ce que le temps soit consommé. C'est après qu'on va prendre la possession du royaume maintenant, d'accord? Pour nous chrétiens, oui. Moi, ce qui me fait référence pour, je veux dire, les moments cruciaux de la Bible, oui, je pense bien que c'est deux événements, à savoir, premièrement, l'avènement de Jésus-Christ, oui, et l'autre, le jugement. Oui. Maintenant, j'ai du mal à ce point, c'est-à-dire à discerner. Oui. Je me dis que une fois, s'il y aura l'enlèvement, oui, non seulement après que Jésus-Christ prendra son église, oui, il y aura des gens qui vont, qui seront fatigués ici. Oui. Déjà sur la terre, par exemple, sur le renversé par des voitures, d'autres par le feu, et qu'après ces derniers gens encore qui n'ont pas été enlevés, oui, comment ça va se passer encore dans le jugement? C'est-à-dire, j'ai un problème par rapport à ces deux événements, non seulement l'avènement, oui, mais aussi le jugement. C'est-à-dire, comment. D'abord, pour commencer, ceux qui sont enlevés ne passent pas par le jugement. D'accord? Heureux et saints, ceux qui ont pas à la première résurrection, parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre, pas vrai? Heureux et saints, c'est ce que les Saintes Écritures disent. Donc ceci, d'abord un, dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 24, la Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, écoute ma parole et croit en ce qu'il m'a envoyé à la vie éternelle. Puis le Seigneur continue, il dit, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On juge les gens qui sont coupables, il faut qu'on lui signifie son acte de culpabilité. Or, pour ceux qui ont mis leur espérance en Christ, leur culpabilité a été portée par Christ Jésus. Ils sont sans reproche, sans tâche. D'accord, frère? Et par conséquent, les chrétiens ne passent pas au jugement. Ils ne seront pas devant le jugement pour pouvoir juger. Mais ils héritent plutôt de la grâce qui leur a été promise, la promesse qu'ils ont tenue ferme. Ceux qui passent par le trône du jugement, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, dans le verset 10 et 11, après avoir jeté le diable dans le feu où il y avait le faux prophète et cet homme-là, la Bible déclare que puis j'ai vu un grand trône blanc, d'accord, qui s'assied. Et puis des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, d'accord. Et la mort rendit les morts qui étaient en eux, la mer rendit les morts qui étaient en eux, le séjour des morts rendit les morts, et tous étaient là-bas. Chacun fut jugé d'après ce qui était écrit dans ces œuvres-là, d'accord. Ceux dont le nom n'a pas été écrit là-bas, quiconque n'avait pas trouvé son nom là-bas, fut jeté dans les temps de feu. Tu entends ça, mon frère? Donc maintenant, ici, il faut qu'on te signifie, pas toi. Tu as la foi en Christ Jésus-Christ, tu es justifié. Justifié, ça veut dire qu'on te déclare non coupable. Quand on te déclare non coupable, ça se pose qu'on a déjà jugé quelqu'un. Et donc le jugement que nous devions suivre est tombé sur Christ Jésus. C'est tombé sur Christ Jésus-Christ, vous ne passez plus en salle de jugement. Vous me suivez ça, hein? Je crois que ceci encore trouble les chrétiens. Parce que les chrétiens disent que non, j'ai peur. Au juge du jugement, je ne sais pas comment au juge du jugement tu vas être là-bas quand Christ a déclaré non coupable. Tu ne passeras pas devant le juge. Parce que c'est lui le juge. Il a dit que tu es, en anglais on dit non guilty. Tu n'es pas coupable. Et par contre, quand ce n'est pas, le jugement ne c'est pas pour les chrétiens. D'accord? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous lisez le verset 30, parlant des anciens saints, la Bible déclare que nous, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus jugés. Et lorsqu'on se juge ainsi, Dieu nous juge comme ça, pourquoi on ne soit pas condamné avec le monde? D'accord? C'est pour ça que les chrétiens doivent exercer un jugement sévère sur eux pour regarder si leur vie est alignée selon les Écritures. D'accord, mon cher frère? Maintenant, pour ce qui est des événements entre eux, je crois que permettez-moi qu'on parle demain. On touche ces choses par rapport à l'événement que je vais vous raconter demain. Plaise au Seigneur. Sur le jugement, la périodicité de ces différents intervalles-là de l'enlèvement puis le jugement. D'accord? Permettez-moi qu'on revienne là-dessus. Quelqu'un parlait de salut tout à l'heure ici. Oui. Attends, je viens avec ta question parce qu'elle est amusante. Oui. Bon, c'est toujours par rapport à ça. Oui. Parce que quand vous regardez dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, oui. À partir du verset 17, 10, oui. Car il faut comparaître. Il faut que. Comparaître. Non. Tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans son corps, oui. Maintenant, par rapport à ça, est-ce que. Non, ça c'est pas le jugement, ça c'est le tribunal maintenant pour pouvoir récompenser. C'est ce que Christ a dit dans le livre de Luc chapitre 19. Après, ça va donner les différents dons à l'autre, différentes grâces à l'autre. Il va les amener maintenant pour leur dire, tu as produit combien, d'accord? Prends la dimension des 10 villes. Ça c'est le tribunal des récompenses. Ça n'a rien à voir avec le tribunal du jugement, d'accord? Voilà. Ça c'est le tribunal pour que vous dites ce que vous avez fait de votre talent. C'est ça dans les questions. Alors, maintenant parlons du salut maintenant. C'est quoi le salut, mon cher? Parce que c'est toi, tu as dit qu'il y a des gens qui disent qu'on perd le salut, d'autres disent qu'on ne perd pas. Et je crois que dans la première partie, quand nous voyons le cadre des saintes doctrines, nous avons convenu que les chrétiens, dans la Bible du moins, n'enseignent pas une chose et son contraire. Deux personnes n'enseignent pas. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, nous avons un groupe de gens qui disent qu'on peut perdre le salut, et l'autre qui dit qu'on ne perd pas le salut, ayant la même Bible, on a des problèmes, pas vrai? Et là, c'est ta question qui m'intéresse, c'est ton cas qui m'intéresse. Tu as dit qu'on perd le salut. Ça veut dire que tu as pris le parti d'un de ces groupes-là. Parce qu'enfin, forcément, tu dois croire à l'un des groupes, de toute façon. Alors la question c'est quoi le salut? Bon, pour moi, le salut, c'est la vie éternelle en Jésus. Amen, merci. Le salut, c'est la vie éternelle en Jésus. Comment on l'obtient, ce salut? À la foi. Pas là? Par la foi en Jésus-Christ. Donc si tu as foi en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Amen. Maintenant, je te pose la question, as-tu la vie éternelle? Ouais. Quelle est la condition pour la perdre? La vie de débauche. La vie de débauche. Jean chapitre 10. Ouf. Jean chapitre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple des Iguinchor. Mm-hmm. Que Dieu vraiment vous bénisse. Dieu vous a béni à votre pays. Mm-hmm. Mais je sens de sentir des tensions qui vont encore monter dans votre région-ci. Des tensions, des revendications. Des revendications. Il y a des tensions qui se trouvent. Je sens de sentir. Depuis que j'ai mis le pied dans votre territoire, il y a des tensions que je sens de sentir qui vont venir. Et ceci va aller au point où des gens quitteront ici pour aller attaquer votre capitale. Des tensions, des revendications. Ça arrive sur la Casamance, des groupuscules sont en train de se former pour dire non à une certaine façon de gérer. Donc vous qui êtes chrétien, vous êtes avertis maintenant. Préparez-vous de ne pas entrer dans des débats politiques pour des revendications. Parce que ça arrive, ça va créer des tensions où les gens vont perdre les vies. Ça c'est des revendications. Donc les gens vont présenter des différentes façades de faire de l'État que ici nous sommes marginalisés et autres, ainsi de suite. Ça c'est la Casamance. Et puis ils vont faire comme on a fait dans mon pays, le Cameroun, maintenant que mieux on fait la scission. Donc je crois que je vais revenir si le Seigneur le permet. Alors j'étais en train de parler, voilà Jean chapitre 10, lis le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Tu parviens à le voir là, hein? Le verset 16. Oui. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Oui. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Oui. Elles entendront ma voix. Oui. Et il y aura un seul troupeau. Oui. Un seul berger. Oui. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oui. Personne ne me lote. Mais je la donne de moi-même. Oh. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui. Je continue. Verset 26 maintenant. Verset 26. Oui. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais et elles me suivent. Oh. Je leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Stop là-bas. Souligne j'ai. Leur donne la vie éternelle et elles ne pourront jamais. Quand tu vas finir de souligner, toi et moi, on aura des problèmes maintenant avec le Seigneur. Dès que tu as souligné, tu relis. On y va. Déjà, pendant que tu en es relis, qui parle dans ces passages, dans ces livres des gens-là? Jésus. C'est Jésus, notre Seigneur, n'est-ce pas? Et ici particulièrement, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il a, là, ce que tu as souligné, qu'est-ce qu'il dit? Relis encore, voir. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Regarde-moi. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais la vie éternelle, n'est-ce pas? Oui. Qui t'a donné? Jésus. Et lui, il dit quoi de toi? Il dit que je ne perdrai jamais cette vie. Mais tu viens de dire qu'il est un menteur. C'est ce que tu viens de dire de Jésus. Parce qu'il lui l'a dit, quand lui donne la vie éternelle, tu ne peux plus jamais périr. Et là, tu as dit que non, tu peux périr parce que tu veux aller faire la fornication. Hein, mon frère? Donc tu sais que tu as la vie éternelle, mais tu veux quand même courir dans la fornication. Et en même temps, tu as peur de perdre ta vie éternelle. Alors le Seigneur dit ici, au verset 26, il dit, parlant des gens qui l'écoutaient devant lui, il dit, vous ne croyez pas en ma parole parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc il y a deux groupes sur la terre, ceux qui sont des brebis du Seigneur et ceux qui ne sont pas de ses brebis. Les autres ne peuvent pas croire parce qu'ils n'entendent pas bien. Parce qu'ils ne sont pas tout simplement ses brebis. Lui, il est donc venu pour rassembler, comme dans le livre des Jean, chapitre 11, verset 44 à 45, le dit, afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. D'accord? Alors, le Seigneur Jésus-Christ est venu donc sur la terre pour faire revenir à la maison ceux qui lui appartenaient. Ce n'est pas parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ que tu lui appartiens, que non. Vous lui appartenez d'abord, vous étiez égaré, il vous fait seulement revenir à la maison. Ça, il dit, j'ai encore d'autres brebis, j'ai encore. À cet instant qu'il parle, ces brebis ne sont pas encore là physiquement. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette brégerie. Celles-là, il faut que je les amène. Donc, ça veut dire que celles-là encore sont égarées, pas vrai? Donc, il les a déjà identifiées. Il les a déjà identifiées. Il dit, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront. Donc, quand je vais les parler, elles vont entendre. Elles viendront. Vous voyez ça, frère? Donc, par prédestination, Christ a élu tous ses enfants à lui. Je leur donne la vie éternelle. C'est choquant, pas vrai? Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et il continue en disant, et personne ne les ôtera de ma main, n'est-ce pas? Parce que le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Donc, je lis, je peux lire. Non, lis ce que tu veux, mon frère, lis. Le verset 17. Oui. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Afin de la reprendre. Oui. Personne ne me l'ôte. Oui. Mais je la donne de moi-même. Mm-hmm. J'ai le pouvoir de la donner. Oui. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Pose ta question maintenant. Voilà. Donc c'est là que tu vois. Voilà. Il ne parle pas de ta vie, il parle de sa vie. Il dit que comme il va mourir pour les gens là, on ne le force pas, c'est lui-même qui le fait. Il va donner sa vie, il va reprendre. Il ne parle pas de toi, il parle de lui. D'accord? Il ne dit pas qu'il va te donner la vie éternelle, il a le pouvoir de te donner la vie éternelle et de la reprendre. Il dit personne ne m'ôte la vie, mais ôter la vie, mais tuer. D'accord? Je donne ma vie afin de la reprendre. Ça veut dire qu'après sa mort, il va ressusciter. Il ne parle pas de la vie qu'il donne aux gens, d'accord, frère? Voilà. Des questions? Frère. Oui, mon frère. Voilà. Selon ce que dit le livre de Jean 1, le verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Enfant de Dieu. Maintenant, de quelle manière faudrait-il recevoir Jésus? Amen. Bonne question. Maintenant, si vous lisez ce livre de Jean, chapitre 1, verset 12. À partir du verset 11, il commence par dire, elle est venue chez les siens, disant, on parle de la parole qui est devenue lumière en laquelle il y avait toutes choses créées. Elle est venue chez les siens. Et les siens, c'est très intéressant de savoir que on parle de elle là-bas, pas de Jésus. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On a des problèmes. Vous n'êtes pas fatigué, non? Alors la Bible déclare, à partir du verset 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, elle était au commencement, toute chose a été créée par elle. En elle a été la vie des hommes. Mais il y a un homme qui parut, au verset 9, où il y a un homme, il parut un homme pour un témoignage à la vérité. Lui n'était pas cette vérité-là, d'accord. Il vient pour un témoignage à la lumière. Son nom était Jean, d'accord. Maintenant, Jean a introduit quelqu'un, on appelle elle. Mais elle ici, c'est au féminin, pas vrai? Dans ce verset 11, on dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Reçue à eux mieux à la fin. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, reçue à eux mieux à la fin. Parce que reçue est accordée avec elle apostrophe, pas vrai? Donc, on parle de la parole. Donc, recevoir la parole de vérité. C'est pas Seigneur Jésus qui te reçoit comme Seigneur, c'est pas ça dont il est question. Maintenant, regardez, ouvrez le livre de Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Donc, le frère pose la question, comment donc le recevoir? C'est plein d'hommes dans les Saintes Écritures. Ce sont ces choses, c'est la non-compréhension de ces choses qui ont amené cette formule biblique, cette formule des pasteurs aujourd'hui où on dit quand quelqu'un, il faut recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Vous savez, cette formule de faire que les gens soient sauvés. Dieu ne sauve pas les gens en série comme les parpaings qu'on fabrique. Il les pipe comme ça, un à un. Il les accorde la vie éternelle. Souvenez-vous, dans le développement, j'ai parlé ici là des la parole qu'on prêche pour être sauvé. Dans Actes apôtres chapitre 10, il avait dit à Corneille, il te dira les paroles. Appelle Pierre, il te dira les paroles par lesquelles tu vas être sauvé. Pas vrai? Mais quand l'apôtre Pierre était devant chez Corneille, il parlait. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pas vrai? L'apôtre Pierre était encore en train de parler quand le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient. Pas vrai? Est-ce que l'apôtre Pierre avait dit, qui accepte Jésus maintenant, vrai, vrai? Ferme les yeux maintenant, ferme bien les yeux, crois vrai, vrai, vrai, vrai. Pierre dit ça, frère. Le Saint-Esprit a arrêté la prédication pour montrer que ceux-ci étaient sauvés. Amen. Vous avez vu ça, frère? Le Saint-Esprit a arrêté la prédication pour montrer que ceux-ci étaient sauvés. Pourtant, l'apôtre Pierre était en train de prêcher dans sa prédication. Donc, ce sont les paroles qu'on prêche qui font sauver les gens. Et ce que nous allons voir maintenant. Actes chapitre 8, j'ai dit ça, n'est-ce pas? Ouais. Lisons le verset 12 à 16. Tu pourras lire là, non? Je crois que tu as des problèmes là de lecture. Tu pourras lire, frère? Oui. Alors, le verset 12, prenons le verset 12 jusqu'au verset 14 là. Allons-y. Actes 8, 12 à 16. Écoutez très attentivement. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, oui, et du nom de Jésus-Christ, oui, hommes et femmes se firent baptiser. Stop. Donc, ici, la Bible déclare que l'apôtre, l'évangile de Philippe annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Maintenant, on dit que lorsqu'il eut cru, hommes et femmes se firent baptiser. Puis le verset suivant dit que Simon lui-même crut, pas vrai? Mm-hmm. Et il ne quittait plus quoi, Philippe, voyant les miracles, les grands prodiges et les miracles qu'il s'est passé. Mm-hmm. Allons-y. Verset 14, maintenant, passons au verset 14 rapidement, regardez. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, oui, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Stop. Soulignez, reçu la parole de Dieu. Donc, vous remarquez effectivement que la Bible ne dit pas ici que les apôtres de Jérusalem ont entendu que la Samarie a reçu Jésus-Christ. Amen. Vous avez remarqué? C'est la parole qu'on reçoit. Amen. Parce qu'on est sauvé par la parole de vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans les Saintes Écritures, donc maintenant, désormais, quand vous allez les Actes des Apôtres, faites donc attention à ces mots-ci. Alors maintenant, allez travailler vous-même. Travaillez dans les Actes des Apôtres, chaque fois qu'il y aura la prédication, vous allez voir effectivement comment on a reçu la parole. C'est reçu la parole, reçu la parole. C'est reçu la parole. C'est ça le mot, reçu la parole. Et donc vous voyez effectivement que c'est conforme dans Jean chapitre 1, verset 12 dont il parlait. Vous voyez, elle est venue chez les siens, elle, la parole. La parole est venue chez les siens. Et recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas le fait qu'on invite chez toi, que tu manges. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, était physique. Mais c'est celui qui est à l'intérieur là qu'il faut recevoir. Vous voyez cela? Quand il parle, la Bible déclare. Personne, jamais homme n'a parlé comme cet homme, pas vrai? C'est-à-dire que la parole a eu fait des effets. Dans Luc chapitre 24, quand il parlait avec les gens d'Emmaüs, la Bible déclare que notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures en route. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est cette parole-là qu'on reçoit. C'est cette parole. C'est pas lui en chair. Vous voyez, les histoires catholiques, là, on dit qu'on mange les hosties, on mange comme ça, on mange Jésus. C'est pas ça, c'est la parole des vérités. Vous savez, vous êtes les anciens catholiques, non? Quand vous prenez ces jours-là, vous sortez, vous faites comme ça, là, comme si vous êtes vraiment saint. Alors que c'est le pain que vous mangez, ça n'a rien à voir. Or, Jean chapitre 1, verset 12 dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous soulignez le mot l'ont reçu, vous avez remarqué qu'on parle de la parole. On ne parle pas de recevoir Jésus, mais la parole. Maintenant, on dit, à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, à ceux qui croient en son nom. Ah mon Dieu, je me sens vraiment, il peut sauter ici à me dire. Puis on dit, elle a donné le privilège. Elle a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Gardez-vous à l'esprit quelque chose. Tout à l'heure, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, quand celui-là lisait, que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. D'accord? je vais faire le parallèle avec ce passage-ci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Gardez-moi l'esprit. À quel moment ceux-ci qui viendront après l'appel du Seigneur Jésus-Christ deviennent brebis? À quel moment? Suivez bien la question que je pose. À quel moment celles-là qui viendront deviendront brebis? Oui? Quand ils entendront la voix. C'est-à-dire, s'ils comprennent bien, avant de venir, ils étaient des chats. Avant de venir, ils étaient quoi? Des brebis. Pas vrai? Mais il dit, regardez bien le Seigneur Jésus. J'ai, à cet instant-ci, j'ai encore d'autres brebis. Quand il parle là, il les connaît toutes, pas vrai? Il dit, je les connais, elles me connaissent. Elles entendront. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les sépare de ces brebis. Je ne sais pas si vous saisissez. Il y a quelque chose qui les sépare de ces brebis. Ça peut être la distance, ça peut être qu'on a volé sa brebis, mais de toute façon, il dit qu'il va les faire venir. Ce que je vais vous présenter, c'est que d'après la parole, ce n'est pas quand elles viennent qu'elles sont ces brebis. Elles le sont d'abord. D'accord? Elles retournent seulement. J'ai encore d'autres brebis. Il n'a pas dit que je vais faire que j'ai encore d'autres brebis. Non. Il a des brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous voyez cela? Personne ne me les autres. Elles entendront ma voix, elles viendront. Maintenant, ici, il dit, elle a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'à ceux-ci, ils ont une grâce particulière pour retourner à la maison. À tous ceux qui l'ont reçu. La grâce n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais enfin, le chien qui en a parlé, là, même s'il crie comme ça, haute voix, il loue le Seigneur, au point où vous entendez, il ne deviendra jamais le mouton. Pas vrai? Parce qu'il est chien. Alors, les brebis du Seigneur sont les brebis du Seigneur. Quand il dit, j'ai encore d'autres brebis, ça veut dire que les autres brebis ne lui appartiennent pas. Pas vrai? Vous devez savoir en quel Seigneur vous avez cru, je vous le dis. Vous devez savoir quel Seigneur vous avez cru et quelle grâce donc maintenant il vous a accordé de connaître qui il est. Donc, souvenez-vous, vous êtes sauvés par la parole. Vous êtes sauvés par la parole, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. On doit prêcher quelque chose, ça fait un effet en vous et quelque chose se crée en vous. D'accord, frère? C'est pas que je reçois mon Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Vous savez, il y a des gens qui écoutent des émissions radio chrétiennes. Chaque émission, quand on répète, un peu moi, il répète chaque jour. Chaque jour, il a plus de 4 fois par semaine, il répète. Il y avait un voisin, il y avait une émission qui passait le mercredi. Le dimanche, on rediffuse la même émission. Vous la voyez toujours à côté des yeux, en train d'écouter l'émission qu'elle a écoutée mercredi. Elle écoute encore dimanche, on dit, répète, après moi, dit, Seigneur Jésus, tu reçois, je commence à me sauver. Mercredi, elle avait fait ça. Le dimanche, elle fait ça. L'autre mercredi, encore l'autre émission, on dit ça à la fin, elle fait toujours. Donc chaque jour, elle est enfant de Dieu. En tout cas, elle donne sa vie à Jésus chaque jour. Alors maintenant, vous voyez effectivement que quand un chien met bas, le chiot qui est là, quel qu'en soit le cas, il est chiot. Il ne peut plus changer de nature, pas vrai? Les enfants du Seigneur sont les enfants du Seigneur, fin de citation. D'accord mon frère? Donc on ne reçoit pas, c'est pas que je reçois Jésus. C'est pas comme ça que je dis, Seigneur, tu reçois comme ça. Je veux que vous compreniez ceci. Nous sommes en train de parler des doctrines de l'Église. Il n'y a pas plus hypocrite. Ou mieux encore, plus satanique, ou mieux encore, plus meurtrier que de faire croire à quelqu'un qu'il est chrétien alors qu'il n'est pas. C'est le plus dangereux, parce qu'arrêter, on a été trompé au sujet de ton âme. L'âme doit passer par le salut. Et ce salut-ci n'est pas fabriqué par un être humain. Quelqu'un ne peut pas vous faire que vous ayez la vie éternelle. Quelqu'un ne peut pas faire que vous naissiez de nouveau. Si quelqu'un vous dit, je veux faire que vous naissiez, je veux prier pour que vous naissiez de nouveau, c'est un menteur. Parce que la nouvelle naissance est accordée uniquement par le Seigneur. D'accord, frère? D'accord, frère? Voilà, en tout cas, même si vous refusez, c'est quand même la Bible. Parce que la Bible déclare, la suite dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, pour qu'il fasse naître, c'est Dieu qui doit faire naître. D'accord? Et par conséquent, si vous dites, ah frère Junior, je ne sens pas que je suis chrétien. Dieu n'a pas demandé que quelqu'un sente le sentiment qu'il est chrétien. Tu dois être. Vous cessez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas dit, ah aujourd'hui, hier, je sentais que j'étais sauvé. Aujourd'hui, je ne sens pas que je suis sauvé. On n'est pas sauvé par alternance. Ou bien vous êtes sauvé, ou bien vous n'êtes pas sauvé. Si vous êtes sauvé aujourd'hui, il y a des situations qui vous challengent. Ça ne change pas votre salut. Amen. Vous êtes sauvé aujourd'hui au point où on vous amène. Quand on a amené l'apôtre Pierre en prison dans Actes chapitre 12, là, on l'a mis là-bas. Il était couché avec les chaînes là-bas, avec 4 gardes là-bas. Ça avait changé son salut. C'est l'état circonstanciel qui l'a remis en prison. Mais le salut, on ne pouvait pas changer ce qu'il a terné. Il était serviteur du Seigneur, il était sauvé. Donc les circonstances ne conditionnent pas notre salut. Donc vous n'allez pas dormir aujourd'hui. Vous vous dites, le pauvre me poursuivait. Je ne suis pas sauvé. Dieu n'a pas donné que vous êtes sauvé, le pont ne doit pas vous poursuivre. Vous êtes sauvé. Et donc il dit, à ceux qui l'ont reçu, vous devez recevoir la parole. Alors verset 14 dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant entendu que la Samarie, on ne dit pas, avait reçu Christ, avait reçu la parole. La parole a fait son chemin là-bas. Parce qu'au verset 12, on dit que, mais lorsqu'il crut à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle, qu'il prêchait, comme ils sont de vous prêcher, les gens ont cru. L'apôtre Pierre, dans le premier jour, comme j'ai cité à chapitre 2, il a prêché. Les gens eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, oh frère, qu'allons-nous faire? Vous avez entendu l'apôtre Pierre dire, fermez vos yeux. Il a dit, ça frère, que fermez vos yeux, mettez la main droite sur votre poitrine. Dis, Seigneur, mon cœur, ouvre mon cœur, entre dans mon cœur. Il t'ouvre la porte de mon cœur. Il a dit ces choses-là, frère. La Bible déclare, il a continué à parler jusqu'à ce que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ces jours, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 ans. N'est-ce pas ce qui est écrit dans la Bible? Alors l'invention de « Je lève mes yeux au ciel, Seigneur, écris mon... » Plus grave encore, ils disent qu'on écrit son nom dans le livre de vie. Donc, vous voyez effectivement que quand on se détourne des Saintes Écritures, on peut dire n'importe quelle bêtise. Alors, sachez donc que les noms sont écrits avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Pas vrai, frère? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Oui. À haute voix, frère. Romains chapitre 9, oui. Verset 14. Par rapport à Pharaon, j'ai fait miséricorde, à qui j'ai fait miséricorde. À qui j'ai fait miséricorde, oui. Ainsi, cela ne dépend ni de celui qui venait, ni de celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. C'est ça dont il est question. C'est ça. Donc, je vois encore Ephésiens chapitre 2, versets 6 et 8, d'accord? Que Dieu te bénisse. Des questions? Oui, mon cher. Oui. Voilà, c'est la question du salut. Tu as perdu ta part ou bien tu n'en as pas encore? Hein? Tu as perdu ton salut ou tu n'en as pas encore? Tu as récupéré? Non, je n'ai pas perdu mon salut. Tu n'as pas perdu? Oui, oui, vas-y. C'est un passage qu'on cite lorsqu'on dit qu'on peut perdre le salut. Quoi. Comme lequel? Oui, oui, non, je les connais tout. Ne t'inquiète pas, je les connais tout. Voilà, mm-hmm. Dans Apocalypse 3, le verset 5. Oui. Celui qui vaincra, je n'effacerai pas ton nom dans le livre de vie. Blanc, oui. Mm-hmm. Je n'effacerai point son nom dans le du livre de vie. Oui. Et je confesserai son nom devant mon père et devant ses gens. Oui. Où est-ce qu'on a dit qu'on peut perdre le salut alors, jusque-là? Alors là, la question de effacer le nom de la personne. Oui, on peut effacer la personne. Oui, il y a des gens dont on doit faire ça. Je crois que vous avez des enseignements. Il y a un enseignement, ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Donc il y a trois catégories. Il y a des gens dont le nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie. Ça ne sera jamais écrit. D'accord? Il y a des gens dont le nom a été écrit qui seront effacés. Il y a des gens dont le nom a été écrit qui ne seront jamais effacés. Voilà les trois catégories que présente la Bible. D'accord, frère? Ça ne veut pas dire que non. Comme tu es sur la terre, tu ne fais pas quelque chose, Dieu va effacer ton nom. Non, non, non, non, non. Il n'y a personne que Dieu va encore écrire son nom. Parce que les noms sont écrits. Et comme c'est écrit, c'est déposé là-bas. Le jour, quand on va lire A, B, C, si ton nom commence par A, on passe à B, sache que tu n'as pas ton nom. Parce qu'on ne fait pas l'erreur là-bas en lisant. Tu vas finir seulement dans le feu. D'accord? Il y a des gens... Cela veut dire que ton nom a été effacé. Non, pas que ça a été effacé. C'est-à-dire que ton nom se trouve pas là-bas de toute façon. Que ce soit effacé, de toute façon, à l'instant, on ne lit pas. D'accord? Comme par exemple le cas de Judas. Judas Iscariot, son nom a été écrit, pas vrai? D'accord, frère? Mais son nom a été effacé. C'est prévu que ça devrait être effacé, pas vrai? Il y a des gens dans la Genèse, dans Exode, dont les noms étaient écrits qui seront effacés, pas vrai? Comment tu as peur, frère? Hmm? Tu as peur de, que ton nom soit effacé? Non, c'est pas bon. Ceux dont le nom soit effacé n'ont pas de salut sur la terre. Parce que c'est sa condition de salut sur la terre. D'accord? Donc le fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, oui, ne veut pas dire... garantit pas que tu es sauvé. Non, non, si tu es inscrit dans la colonne des brebis qu'on est censé sauver, c'est que ça va pour toi. Alors, je veux comprendre, au fait, quand on parle de livre de vie, oui, est-ce que les noms qui figurent dans le livre de vie, oui, c'est l'ensemble de ces gens-là qui ont le salut déjà? Non. Je vais expliquer donc maintenant. D'après le verset 5 du chapitre 3 d'Apocalypse que tu as lu, il y a des gens qui ne vont pas vaincre. D'accord, frère? Mais pourquoi ils n'ont pas vaincu? Pourtant, le chapitre 11, dans le chapitre 19, verset 11, la Bible nous déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pourtant, le sang a été vivant pour ceux-ci. Pourtant, pourquoi le sang n'a pas été vivant pour ceux-là? Maintenant, Judas Iscariot n'avait pas au même ministère qu'avaient les apôtres. Identique. N'est-ce pas, frère? Pourquoi n'est-il pas entré? Dis-moi le pourquoi. Je veux que toi, tu me dis pourquoi Judas n'est pas entré, Iscariot. Il a livré le Seigneur. Il a livré le Seigneur. C'est pas lui qui l'avait décidé qu'il le livre. Si tu rejettes le Seigneur, l'apôtre Pierre l'a rejeté combien de fois? Trois fois. Pourquoi lui il entre? Le Seigneur a intercédé pour lui. Ah, le Seigneur a intercédé pour lui. Afin que sa faille ne défaille point. Ouais, mais Judas Iscariot a demandé pardon, pas vrai? N'est-ce pas? Il est même venu jeter là. Il n'a jamais mangé 5 francs de cet argent-là. Il a jeté les 30 pièces dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 9. La Bible déclare qu'il est venu jeter 30 pièces d'argent, pas vrai? Il est venu jeter, il a pleuré dans la repentance, pas vrai? Mais pourquoi n'est-il pas entré? Ah, parce qu'il s'est suicidé. Le roi Saül s'est suicidé aussi, n'est-ce pas? Il va à la perdition ou il ne va pas à la perdition? Le roi Saül, l'Ancien Testament. Vous voulez parler de suicide, donc le roi Saül aussi s'est suicidé. Il va en enfer, oui ou non? Qui? Le roi Saül va en enfer. Ah, mais dans ce cas, le prophète Samuel se trouvait là, parce que le prophète Samuel lui a dit que rendez-vous demain, on sera ici ensemble. Le prophète Samuel était en enfer, frère? Non. Mais la Bible déclare que rendez-vous demain, en fait, demain, tu seras même ici. Le lendemain, il était là-bas, non? Donc, fais attention. Le problème, c'est que Judas est né fils de perdition. Donc, né, il est né pour être pris et jeté au feu, comme Romains chapitre 9 le dit. D'accord, frère? Alors, donc, son nom n'est pas écrit dans le livre? Non, son nom est écrit pour être jeté. Donc, il y a des gens qui vont accomplir les grandes œuvres du salut pour Jésus-Christ, mais du mauvais côté. C'est-à-dire que les gens qui sont censés blasphémer Dieu sur la terre, Dieu écrit que, yes, toi là, je t'ai suscité, Pharaon, à dessein, pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit... Tu as vu ça, frère? L'écriture dit de Pharaon, je t'ai suscité, c'est dans Romains chapitre 9, je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance. Donc la têtuesse de Pharaon, c'est Dieu qui lui a accordé ça, que tu sois têtu bien. N'est-ce pas, mon frère? Parce que dans le jugement de Moïse, ils ont parlé de deux livres. Oui. Non, c'est deux styles de livres. Il y a un livre où les noms sont là, oui. Et les livres maintenant des œuvres, oui. De ce que tu auras fait sur la terre. C'est-à-dire que ce sont les choses qui sont, les charges qui sont retenues contre toi. Les charges, ça veut dire vos pensées, alors que je parle maintenant, vos pensées sont prises en compte. C'est filmé et collé dans vos petits journaux. Ça veut dire que si vous dites le coup gala, il dérange, qu'il a même amené ici, il n'y a pas de problème. C'est filmé et collé là-bas dedans. Ce qu'on dit, et l'apôtre Paul, mon grand frère, dit dans Romains chapitre 2, si vous lisez le verset 16, il dit c'est ce qui paraîtra au jour du jugement, selon mon évangile, que le Seigneur jugera les actions secrètes des hommes. Tout sera mis au grand jour. Tout ce que nous faisons, si nous paraissons exactement comme saints, comme je le disais tout à l'heure là, je viens devant vous, je parle comme si, ah, c'est moi qui avais écrit la parole, et que dehors j'ai vu autre vie, je sais exactement ce qui m'attend. Vous comprenez ça, frère? En fait, ça veut dire clairement que ça ne vaut pas la peine d'être chrétien en prenant des raccourcis. Ou bien vous êtes chrétien, ou bien vous n'êtes pas du tout. Et si vous ne pouvez pas être vrai chrétien, fermez votre Bible, déposez de côté, allez jouer la vie. Attendez qu'il vous appelle, que vous réunissez. Vous souvenez bien ce qu'il dit? Si vous ne parvenez pas à être vrai, fermez la Bible, déposez, ce n'est pas une faute. Allez jouer la vie, vous laissez jusqu'à ce qu'il dit. Il a dit que ces brebis entendront sa voix. D'accord? Car si vous êtes de ces brebis, il va vous appeler. Que de lire cette Bible-ci et voir vos jugements dedans et continuer à avancer. C'est juste ce qu'il dit, mais c'est quand même vrai. Posez des questions. On va y revenir. Et là, pourquoi Judas a été choisi par Jésus? Pourquoi Judas a été choisi par Jésus? Pourquoi il a été choisi par Jésus? Oui. Le plan se passe depuis la Genèse. Tout ce qui se passe depuis la Genèse. Il a dit depuis la Genèse qu'il est censé venir par un fils, par une femme, pour pouvoir le livrer. D'accord? Parce que le départ, c'est que cet homme-là aussi s'était passé par un fils, par une femme. Il dit depuis la Genèse, chapitre 3, le serpent était l'animal le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, d'accord? Quand il a fini de commettre l'acte, Dieu a dit, puisque tu as fait cela, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc c'est prévu que sa postérité soit là, la postérité du fils de la perdition. D'accord? Donc Judas est venu pour rendre compte, pour continuer la mission que son père avait commencé dès le départ. Oui. Maintenant, c'est pas. Je pose une question en disant que. Vous entendez là-bas? Pourquoi vous parlez-vous tous doucement? Si vous avez peur des évangiles, frère? Vous avez peur de persécuter. Il y a des gens qui persécutent les gens ici. Mais prêchez l'évangile. Parle fort, frère. J'ai dit, bon, n'est-ce pas, Dieu sait que Dieu voulait que tout le monde soit sauvé, non? Qui a dit ça? C'est dans quelle Bible tu lis la réalité là? Non, je demande si Dieu, n'est-ce pas, il voulait que tout le monde soit sauvé. Si Dieu lui-même voulait que tout le monde soit sauvé, c'est qu'il est le premier raté. Si Dieu voulait que tout le monde soit sauvé, c'est que c'est lui-même le premier à rater sa propre mission. N'est-ce pas, frère? Est-ce que quelque chose peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire? Non. Alors, si sa volonté est exprimée, ça doit s'accomplir, non? S'il voulait que tout le monde soit sauvé, personne n'ira en enfer. Mais la réalité, c'est que les gens y seront. Jésus lui-même a dit que large et spacieuse est la voie de qui mène à la perdition. Beaucoup y vont. Étroite et resserrée, la voie qui mène à la vie éternelle. Peu de gens le trouvent. Il dit peu de gens le trouvent. Toi-même, tu dis que Dieu veut sauver tout le monde, comment? Frère? Pourquoi je pose cette question? Parce que je pense que si Dieu connaît déjà ceux qui vont entrer dans le... 2 Timothée chapitre 2, prends donc, je vais lire ça, ouvre ta Bible donc. C'est bien ce que tu as dit, c'était l'écriture. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée. Vous avez dit que vous n'êtes pas fatigué, non? Non. Que Dieu vous bénisse. 2 Timothée chapitre 2. Lis le verset 19. Allons-y. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent. Qui lui servent de sceau. Oui, deux points. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Un, deux. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors la Bible déclare que néanmoins, le solide fondation de Dieu, fondement de Dieu demeure. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Voici le décret. Premier décret. Parce qu'il y a deux points. Premier décret. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Mais là, si la parole dit le Seigneur connaît ce qui lui appartient, ça veut dire automatiquement que tout ne lui appartient pas. C'est aussi simple, pas vrai? C'est pas ça, frère. Il dit le Seigneur sait, connaît tout ce qui lui appartient. Et effectivement, tu disais ce qui est vrai. Jésus, avant de venir sur la terre, il dit on a lu ça ici aujourd'hui. Il dit je connais mes brebis. Puis il dit qu'il y a encore d'autres qui ne sont pas encore là. Et celles-là, il va les ramener. Donc il les connaît tous, ce sont ses brebis. En tout cas, si quelqu'un n'est pas de ses brebis, il ne viendra jamais. Il a dit que ceux-là ne parviennent pas à croire parce qu'ils ne sont pas de ses brebis. D'accord, frère? Tu vois là, on rentre l'avancée, n'est-ce pas? La prédestination. Né pour être sauvé. Ça peut choquer maintenant. Quelqu'un peut déchirer ses vêtements comme un pharisien, mais c'est quand même la vérité. Oui? Maintenant, dans Matthieu 25, concernant les 10 vierges. Notez justement Matthieu 25, c'est de ça dont on va parler, c'est pour ça que je suis venu. Allons-y, notez Matthieu 24 et 25, ne pose pas la question. Alors, prenons la main. Donc, demain, qu'on va. Oui, frère. Par rapport au chapitre 9 de Torah, tu me diras pourquoi blâmer. Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Parce que personne ne peut résister à sa volonté. Parce que s'il veut blâmer. Juste un peu plus. Oui. Quand un jour j'entendais le père Apollinaire, oui. Il disait tu es né pour être sauvé. Il avait une fois dit ça. Ça t'a choqué. Voilà, tu ne peux jamais aller en enfer. Des choses comme ça. Quoi. Oui. Donc, on ne peut pas faire. On est né pour être sauvé. Oui. Donc, comme vous venez de le dire. Oui. Après un moment, ça, j'étais en train de penser ça. Un jour j'ai dit ce. Tu as maintenant compris. Que le frère Apollinaire Nziata n'était pas, il n'était pas égaré. Amen. Amen. Amen. Si vous l'avez. D'accord, monsieur. Oui. C'est ça. Hein? Oui. Comment pourrais-je savoir si je suis heureux ou pas? Parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis heureux. Mais si je suis destiné demain à en faire. Oh, c'est une prédestination. Non, non, parce qu'il y a certains de ces vierges-là qui ne vont pas entrer. Garde la question pour demain, d'accord? Garde la question pour demain, parce qu'on va voir cela. Donc, notez Matthieu, chapitre 24 et 25. Vous lisez toute la nuit le chapitre 24, le chapitre 25. Nous allons meubler tout le discours là-derrière. Donc, le frère, il s'inquiète déjà. Il dit que vraiment, comment ça va vraiment, vraiment? Toi, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Je suis chrétien. Comment, frère? Je suis chrétien. Tu es chrétien? Oui. Tu es sûr? Oui. Est-ce que demain, tu ne vas pas devenir musulman? Non. Il y a des pasteurs qui sont convertis chez les musulmans, non? Non. Si c'est la volonté de Dieu, c'est les hommes. Alors là, je vous pose la question. Je vous pose la question. Quand vous entendez qu'un pasteur s'est converti en islam, vous pensez qu'il était né de nouveau? Non. Est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau et naître de nouveau de nouveau? Non. Donc, vous voyez ces problèmes des pasteurs conventionnels, n'est-ce pas? Donc, ce sont eux donc, qui peuvent se convertir. Et les musulmans se moquent d'eux en disant que non, voici les chrétiens qui sont devenus musulmans. Vous, si vous êtes convertis authentiquement par le Seigneur, en tout cas, essayez un peu. Vous êtes garçon, pas vrai, ou bien femme, pas vrai. Essayez de changer de sexe, vous allez voir de quoi ils sont de parler. Essayez de voir pour vous changer de sexe. Oui, mon frère. Voilà, je voulais poser, est-ce que le parler en langue dans le renouveau charismatique, oui. C'est-à-dire dans l'église catholique, oui. Est-ce que c'est un don du Saint-Esprit? Bon, gardons d'abord ces questions pour demain, parce que sinon il ne faut pas que les gens commencent à fuir là maintenant. Gardons ça pour demain, d'accord? On va toucher non pas seulement pour les charismatiques, mais aussi pour les pentecôtistes. Oui, ma chère. Vous aviez dit que quand on non, mange... Non, il faut me tutoyer, je suis ton frère, pas vrai. Comment tu dis vous? Je cite beaucoup ici devant. Tu as dit que quand on mange, le corps de Christ, ce n'est pas son corps en tant que tel, mais c'est sa parole. Oui. Mais qu'en es-tu du sang? Quel sang? Le sang de Jésus. Toi, tu as la Bible, le sang de Jésus. Toi-même, tu as la Bible, le sang de Jésus. Dis-moi. Je pense que quand on prend la Sainte Seine. Oui. C'est son sang qu'on boit. Tu es sûr que c'est son sang qu'on boit? Oui. Ça nous tue un zombie alors. C'est les zombies qui boivent le sang. Est-ce que c'est le sang qu'on boit, frère? Non. Il dit que cette coupe, c'est représente le sang qui a été versé. On fait cela pour se commémorer en disant que nous nous souvenons de la nuit où il a fait ceci pour se livrer pour nous. C'est pas le sang qu'on va. C'est les catholiques, ce sont les sorciers. D'accord. Les chrétiens ne sont pas les sorciers. Oui, mon frère là-bas. Moi, quelqu'un m'avait un peu coincé. T'avais coincé? Oui. Parce qu'en lui apportant la bonne nouvelle, oui, il m'a dit que mon gars, il ne faut pas m'importuner parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Oui. Parce qu'il me dit que si tu dis que c'est Dieu qui a créé Satan, oui, oh, tu m'as dit que Dieu connaît tout avant même les choses, avant qu'elles arrivent. Oui. Pourquoi Dieu a fait exprès de créer Satan? Pour qu'il nous dérange. Oui. Parce qu'il a bien su qu'un jour, Satan va le déranger. Désobéir au Pourquoi il a créé Satan et Satan nous a aujourd'hui détourné? Oui. Donc il dit que. Que tu le laisses tranquille, que la faute c'est Dieu. Oui. Mais il avait tout. Il a totalement raison. La faute c'est sur Dieu. Donc pour, en quoi il t'a conçu? En fait, tu es allé l'évangéliser, il t'a évangélisé vraiment. C'est lui qui avait raison. C'est lui. Son raisonnement est logique. Qui avait créé Satan? Il connaît la fin d'une chose avant le commencement, non? En créant Satan, le jour qu'il a eu la pensée de créer Satan, il savait ce qui devait arriver, non? Donc c'est lui qui est le fautif. Où est le problème, frère? Le problème. Oui. Il m'a posé la question. Oui. En disant que maintenant tu vas me dire pourquoi Dieu a fait ça. Oui. Et si vraiment, oui, comme nous venons de le dire, oui, si vraiment Dieu est bon, oui, donc il n'allait pas créer Satan. Oh. Donc si Dieu était vraiment bon, il ne devait pas créer Satan. Oui. Mm-hmm. Comme il a créé Satan, il est du côté de Satan. Donc ça veut dire que ce sont les amis qui nous jouent. Oui. Mais c'est encore, là encore, il a encore raison. Après ça. Moi, j'avais un peu pensé. Oui. Je dis que Dieu ne crée pas une chose. Le jour-là, je n'avais pas trouvé de réponse. Oui. Pour être sincère. Donc, un païen t'a coincé, quoi. Oui. Il m'avait coincé. Vraiment. Bon, maintenant, là, comme tu as lu la Bible, qu'est-ce que tu as dit? S'il était encore là, qu'est-ce que tu lui répondrais? Quand j'avais réfléchi, oui, je me suis dit que Dieu, après, quand il a créé Satan, il a su qu'un jour, il va vraiment déconner. Non, c'est pas qu'il a su, c'est qu'il a programmé ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dieu a programmé. Oui, il a programmé aussi, oui, la guérison en même temps que le casse Satan. Oui, en créant Satan. Applaudissons pour lui. Bon, cherche-le, tu lui dis maintenant ça, d'accord? Cherche-le, tu lui dis ça, tu as maintenant la réponse. Va maintenant, va lui dire qu'en réalité, en créant Satan, il avait déjà la réponse. Parce que la Bible déclare, l'agneau de Dieu est prédestiné avant la fondation du monde. D'accord? Donc la solution était venue avant le péché même. Des questions? Oui, mon frère. Voilà, un jour avec des frères, on discutait sur deux mots. Oui. Deux phrases, je peux dire. La volonté permissive de Dieu, oui, et la volonté de Dieu. Oui. Et moi, j'étais du côté que Dieu a une seule volonté. Oui. La volonté de Dieu est la volonté de Dieu. Il n'y a pas à dire une volonté permissive de Dieu. Oui. Sinon, ça ne serait pas une volonté de Dieu. Ok, je pose la question. Tu es marié, frère? Non, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est sa volonté que tu t'es marié? C'est dur à répondre. Comment frère? Comment ça se dit à répondre? Bon, quand tu sens dans ton corps là, tu sens que tu dois être marié. Oui. Ok, mais je pose la question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu t'es marié? Oui, si je me réfère à Genèse. Non, laisse Genèse tranquille. Je dis, est-ce que toi là, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu t'es marié? Oui. Tu vois, donc, ça veut dire que tu sais déjà que c'est la volonté de Dieu que tu t'es marié. Oui. Non, est-ce que tu connais exactement dans cette volonté-là la personne avec qui tu dois te marier? Non. Tu ne connais pas? Non. Alors, tu vas avoir des problèmes sur la terre pour trouver cette femme-là. Parce que maintenant, comme tu connais que c'est la volonté de Dieu, je viens de parler selon ta question. Mm-hmm. Tu dis, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Oui. Alors, ça veut dire que si c'est la volonté de Dieu, ça doit être qu'elle doit être unique. Donc, tu as l'unique volonté de Dieu que tu dois te marier. Tu le sais déjà. Tu dois te marié. La volonté de Dieu, c'est que tu dois trouver la femme qu'il a destinée pour toi. Il ne faut pas que tu puisses voir Nadège, après tu vois Calixte, après tu vois Mirabel. C'est que tu en as fait autre chose qui ne vont pas vrai. Tu dois savoir la femme avec qui tu dois te marier. Si tu as cette femme-là, c'est uniquement elle, même si tu échauffes la tête n'importe comment, tu dois supporter parce que c'est la seule volonté de Dieu. D'accord? Maintenant, que dis-tu donc de Ismaël, la venue d'Ismaël et la venue d'Isaac dans la salle des Saintes Écritures? On a discuté aussi sur ça. Oui. Parce qu'ils ont dit, bon, ça c'est. Dieu a permis à Abraham, oui, d'aller vers Agar pour avoir comme encore Ismaël. Oui. Ils ont dit, là, c'est la volonté permissive de Dieu. Oui. J'ai dit, non, là, c'est la volonté d'Abraham permis par Dieu. Hein. En fait, j'ai reformulé. Tu as reformulé. Dans Marc chapitre 5, le Seigneur Jésus-Christ rencontre un monsieur qui est dans les cimetières avec les démons. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est cet homme-là qui reste dans les cimetières. Ouais. Quand l'homme est venu devant le Seigneur Jésus, la Bible déclare que les démons ont vu commencer à crier. Ouais. Jésus dit, quel est ton nom? Il dit, Légion, parce que nous sommes nombreux. La Bible déclare que les démons le prièrent de ne pas les, à quoi, les chasser hors du pays, mais de les permettre d'entrer dans le pousseau. On dit Jésus le leur permet. Dans sa mission, il est permis pour lui d'envoyer les démons, de les enchaîner ou bien de les envoyer dans le port. Qu'est-ce qu'il était censé faire? Les chasser normalement. Normalement. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il est arrivé au moment de, dans la mission, les démons ont prié, Jésus l'a accepté. Pas vrai? Fais attention, d'accord? Donc, ce qu'il vient de te dire pour ta femme, là, c'est ça qui va te suivre dès maintenant. Pour ta femme. Tu m'as suivi, frère? Ok. Donc, il y a la volonté permissive, effectivement, du Seigneur et la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est sa première volonté. Quand il dit en premier lieu. Donc, si Dieu te dit, ce n'est pas Gaël qui est la femme. Tu dis, non, Seigneur, ouais, toi-même, tu sais que Gaël est très belle. Comme si tu veux lui donner les coups de beauté. Alors, il va dire que comme tu insistes, vas-y alors. Vas-y alors, n'est pas sa volonté parfaite. D'accord? C'est sa volonté permissive parce que tu t'es entêté. D'accord, mon cher? Et chaque fois, quand il y a la volonté permissive de Dieu, il y a toujours les conséquences. Quand on entre dans cette volonté permissive-là, il y a toujours les conséquences. Quand tu lis la Bible, vous allez voir ressortir les volontés parfaites de Dieu exprimées dans les commandements. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, par exemple, le verset 17, la Bible déclare « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Fuyez l'immoralité sexuelle, pas vrai? Mais vous voyez maintenant une chrétienne aujourd'hui avec un enfant entre les mains, elle n'est pas mariée. Comment l'enfant est entré? C'est la Vierge Marie. Est-ce qu'elle est la Vierge Marie? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir la fornication? Mais quelle est la volonté parfaite de Dieu? De ne pas commettre le mal. Non, le mot c'est quoi? Fuyez. On lui a dit, Dieu avait déjà dit, fuis. Il a dit que non, Seigneur, m'invite seulement. Le garçon là, il est calme. Donc il commence à donner le cours d'éducation civique à Dieu. Il m'a invité à aller prendre un pot. Alors, bon, Marquis, on s'est assis, on prenait seulement le pot. Après, il ne sait pas comment c'est arrivé. Tu ne sais pas comment c'est arrivé parce qu'il fallait fuir. La volonté parfaite, c'est fuir. Voilà, ça fuit. Fuis. Ça veut dire que tu cours. Ça veut dire que tu es belle. Tu dis pardon, tu es belle. Tu cours. D'accord, frère? C'est comme ça. Voilà la volonté parfaite de Dieu de fuir. Et donc maintenant, si tu tombes dans la fornication, maintenant tu commences à dire Seigneur, Seigneur, il te pardonne. Chaque fois que je vais regarder l'enfant, c'est parce que tu as été têtu, tu es entré dans la volonté permissive. Maintenant, tu ne peux plus tuer l'enfant. L'avenir de cet enfant est conditionné. Ton avenir est conditionné derrière cet enfant. Tu vois cela? Tu vois tout. Pourtant, si tu avais fui, tu ne serais pas dans ces problèmes-là. Le jour où tu te lèves la main, tu vas taper l'enfant. Dieu dit, ne tente pas de le taper parce que c'est toi qui avais cherché. Voilà. Donc, il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Les volontés parfaites de Dieu, vous pouvez les découvrir dans les Saintes Écritures au travers des instructions, des recommandations explicites. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu cherche la sanctification. C'est que vous vous absteniez. C'est ce que Dieu veut. Vous voyez, on voit littéralement qu'il se dit, voici la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Vous vous abstenez. Non, Seigneur, il veut porter le jean, il veut serrer. Quand tu portes, tu ne peux pas enlever. Hein? Vous portez, vous pouvez enlever, non? Donc, ça dit, l'abstinence n'est pas porter le jean. Voilà. Des questions? Oui, mon cher frère. Moi, je ne sais pas les autres, mais la question de salut... Ça t'était... Je me rappelle que chaque fois, il y a beaucoup de passages dans la Bible. Oui. La parole de Dieu n'arrête pas de t'en dire que ceux qui persévéreront... Jusqu'à la fin, seront sauvés. On va toucher cela. Seront sauvés. Oui. On parle dans Apocalypse. Oui. Après, il faisait des reproches à l'église d'Éphèse. Oui. Et je me rappelle, il disait que... Souviens-toi de ton premier amour. Oui. Dans Hébreux 6, là, il dit qu'il est impossible. Il est impossible que ceux qui ont une fois goûté le don se laissent. Oui, oui, oui. Se répandent après. Oui. Même, donc, il y a plusieurs passages comme ça qui semblent dire. Par exemple, quand il dit, par exemple, moi, je me dis souvent, quand on m'avait dit ça, parce que tous là où nous sommes, comme Jésus-Christ est venu accomplir une volonté, oui. Parce qu'il le disait, ça nous dit, c'est de faire la volonté de Dieu. Oui. Donc, tout un chacun de nous qui sommes ici, il y a une volonté que Dieu attend de nous. Il y a une mission que Dieu a destinée à tout un chacun de nous. Oui. Et je me dis que d'abord, la parole de Dieu nous dit dans Romains, oui. Il y a d'abord quoi? Il y a un appel. Ça dit qu'il y a une prédestination. Mm-hmm. Maintenant, Dieu appelle. Mm-hmm. Après, il justifie cette personne. Mm-hmm. Ouais. Maintenant, la parole de Dieu nous dit qu'il y a peu, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mm-hmm. Je me dis que la personne d'abord, Dieu l'appelle, il lui sort de la fosse, c'est-à-dire des ténèbres. Mm-hmm. N'est-ce pas? Oui. Il lui justifie. Mm-hmm. Maintenant, la personne arrive à reconnaître son identité chrétienne. Oui. Je peux dire, si je peux m'exprimer, elle aide, la personne est née de nouveau. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais toujours est-il que sa mission ne s'est pas terminée là. Alors, attendez. Nous sommes en train de toucher plusieurs choses. Il y a la nature naître de nouveau. Puis il y a la mission. La mission, c'est ce que cette personne doit accomplir. Oui. Laquelle est le salut parmi les deux? Tu vois des choses que tu en avais dit. Tu dis que, enfin, on est appelé pour faire quelque chose. Cette chose que nous faisons, est-ce que c'est notre salut? Lorsqu'on appelle d'abord, on entre d'abord dans le salut. La Bible déclare, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. On est d'abord sauvé, puis on accomplit la mission, pas vrai? Maintenant, quand tu dis découvrir notre identité en naissant de nouveau, puis maintenant découvrir la mission. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous faire changer d'orientation? La mission ou bien la nouvelle naissance? Ou mieux encore, si quelqu'un est né de nouveau, est-ce que la nature de naître de nouveau peut changer? Non. Mais est-ce que ne pas, par exemple, pour une personne qui... Oui. Ne pas accomplir l'effectuation ou... Effectivement, ce que tu dois censé faire. Oui. Oui. N'est pas dans le fait que la personne soit... Parce que si moi, par exemple, le Seigneur m'a appelé à... Je veux amener à cette oui. pratique. Oui. J'ai été sauvé, le Seigneur m'a accordé cette grâce. Oui. Au lieu d'aller sortir les gens qui sont dans les ténèbres... Oui. Tu fais autre chose. Seigneur, moi, je dis que Jésus-Christ est amour. Oui. Au lieu d'aller partager cela. Oui. Mais est-ce que j'ai été un bon disciple? Est-ce que... Non, là encore, c'est une autre question que j'en ai touché. Notre Seigneur a expliqué ça dans Luc chapitre 19 quand il a donné des talents à un, 10 à l'autre selon ses capacités. Le vrai problème, c'est que chaque fois tu dis tu as été sauvé, mais tu as manqué à une mission. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du tribunal de récompense. Tu as été fidèle parce qu'on t'a confié tes choses, tu l'as fait. C'est pour ça qu'il faut veiller pour faire cela. Ça ne fait pas le temps que comme tu n'as pas confié ça ou bien tu n'as pas fait comme il se devrait, tu dois être, tu n'es plus sauvé. Parce que tu comprends. Parce que si tu es né de nouveau, c'est pour ça qu'il voulait te poser la question. Quand tu es né, on est né de nouveau, on est né par quoi? On a quoi en nous de différent par rapport à notre ancienne naissance? On a quoi? On a le Saint-Esprit. Ok. Est-ce que ce Saint-Esprit-là, Dieu peut encore l'enlever? Pardon? Saint-Esprit. Non, dis à haute voix, oui, doucement. Parle à haute voix, déjà, entends ce que tu dis. Vous m'entendez là-bas, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu, s'il accorde le Saint-Esprit à quelqu'un, il va encore l'enlever? Ah, si la personne n'a pas fait cette idée, si la personne l'a fornique, comment ça s'appelle? S'il fornique. S'il fornique, s'il part encore repart dans l'idolâtrie. La Samuel. Donc Samuel a vu le Saint-Esprit? Non, c'est qui dans l'ancien. Saül. Saül, oui. Donc Dieu avait vu le Saint-Esprit à Saül. Bon, on a des problèmes sur cette thèse avec les Écritures. Alors, on va y arriver. Vous permettez que je parle toujours? Oui. Ok. Vous avez lu le livre des Corinthiens? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, la Bible déclare qu'on entend dire parmi vous qu'il y a une impudicité. Mm-hmm. Et une impudicité telle que ce n'est même pas chez les païens. Mm-hmm. C'est au point où quelqu'un a la femme de son père. Mm-hmm. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'êtes pas repenti au point où que cet homme-là soit livré à Satan pour être détruit. Mm-hmm. Cette personne, c'est qui couchait avec la femme de son père, qui avait pris la femme de son père, avait-il le Saint-Esprit, oui ou non? Non. Réponds, ma frère. Si, si. Mais Dieu avait-il reçu le Saint-Esprit quand il faisait cela? Dans Ephésiens chapitre 4, que Dieu te bénisse. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30 et 31, la Bible déclare que le Saint-Esprit que Dieu vous a donné, quand il vous a marqué, c'est pour le jour de la rédemption. Et quand Dieu a donné le Saint-Esprit, il n'y a pas un seul verset qui dit que Dieu va encore recevoir le plan du Saint-Esprit. Dieu n'est pas un être humain comme un homme qui dit, par exemple, je vais donner le cadeau à tel frère-ci. Et je lui donne et qui demain, il va m'insulter et dire, ah, je m'étais trompé à son sujet. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, avant qu'il t'accorde le Saint-Esprit, c'est prédestiné pour te sceller. C'est scellé, donc c'est fermé pour toujours. Ce que tu fais tout autour avec ta vie importe pour Dieu dans la voie de la sanctification. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui est saint se sanctifie encore. Et celui qui est juste pratique encore la justice. Donc, la sanctification, c'est niveau par niveau. Les Corinthiens n'avaient pas reçu l'enseignement par rapport au style de vie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils pouvaient faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand il a écrit ce livre de Corinthiens, dans 2 Corinthiens, la personne s'est repentie. Parce que cette personne, s'il ne connaissait pas l'enseignement par rapport à ça. D'accord, mon cher? Permettez-moi de vous. Oui. Quand on prend, par exemple, un Thessalonicien, je ne sais pas, 5 ans, il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça c'est autre chose. Il n'a pas dit de n'éteignez pas le Saint-Esprit. Fais attention. Il est dit là-bas, n'éteignez pas l'Esprit. C'est l'Esprit dont il est question. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est autre chose. Parce qu'il y a Saint-Esprit, la personnalité, et l'Esprit, la manifestation. D'accord? Je ne sais pas si on aura le temps vraiment de travailler ici là. On aura le temps. Comment un être humain peut éteindre le Saint-Esprit? Comment? Tu peux empêcher le Saint-Esprit d'agir? Toi, tu peux empêcher le Saint-Esprit. S'il veut faire que tu peux empêcher. Donc, ce n'est pas ça dont il est question, d'accord? Maintenant, attends, je n'ai pas encore fini. Il faut qu'on développe ceci bien, d'accord? Alors, il n'y a pas un verset biblique qui dit que Dieu va donner le Saint-Esprit à quelqu'un et reprend. Regarde bien. Lève-toi, viens. Si toi, tu dis que Dieu peut donner le Saint-Esprit de Dieu à quelqu'un, ton Saint-Esprit à quelqu'un et reprendre, ça se pose donc que tu es en train de dire que Dieu peut faire, parce que nous avons convenu que c'est Dieu qui fait naître de nouveau. C'est pas ça? Quand il te fait naître de nouveau, après il te fait naître de nouveau, ou bien fait naître d'ancien. Je ne sais pas comment on peut dire encore cela. Quand vous êtes né de nouveau, ça se pose que vous avez quitté d'une création à une autre, n'est-ce pas? Nouvelle créature. Vous êtes en train de dire que Dieu va faire ça réversible. C'est-à-dire que Dieu va vous faire encore rentrer à l'ancien créature. Toi là qui es né là, tu peux rentrer dans le sang de ta mère. Y a-t-il une possibilité que tu rentres encore dans le ventre de ta mère? Assieds-toi, alors je vais t'expliquer. Que Dieu te bénisse, assieds-toi. Alors, comme l'ancienne naissance est unique, l'ancienne naissance, c'est-à-dire cette naissance que nous avons tous là, comme cette naissance est unique et définitive, ainsi en est de la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, quand vous êtes né de nouveau dans le Christ, parce que vous n'êtes pas né de nouveau par la formule humaine. La Bible déclare que lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de, non du sang, mais de Dieu. Et Jésus dit en économie que celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous ne pouvez pas naître de l'esprit. Et puis vous, je ne sais pas, il n'y a même pas d'abord le sens de dire autrement. Donc, si vous avez la nouvelle naissance, ça suppose que vous êtes sauvé, pas vrai? Alors, donc, si vous êtes né de nouveau, le né de nouveau a un royaume dans lequel il doit habiter. Si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez plus jamais périr. Et maintenant, quand vous ne pouvez plus jamais périr, vous avez la vie de Christ en vous. Comment irez-vous en enfer avec la vie de Christ? Comment? Pourtant, l'enfer là sera supprimé. Vous savez, ça n'est pas vrai? Donc, ça veut dire que même si vous allez en enfer, on va finir par détruire l'enfer, vous-même, vous allez encore rester. Parce qu'il faut que l'enfer soit supprimé. C'est pas ça, frère? En tout cas, c'est pour te dire tout le monde que c'est impossible d'aller en enfer avec cette vie-là. Maintenant, je te pose la question par rapport à ce que tu as dit. Dans Matthieu chapitre 10, dans Matthieu chapitre 25, où on va trouver cela, il dit que et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Lève-toi encore, je vais te dire quelque chose. Viens, c'est tout toi. Tiens-toi ici, frère. Dis à l'assemblée si oui ou non tu es sauvé. Si oui ou non tu es sauvé. Non. Il dit toi. Dis-leur si oui ou non. Est-ce que tu es sauvé, oui ou non? Réponds-nous. Là où tu es là, est-ce que tu es sauvé? Moi j'ai la confiance que je suis sauvé. Tu es sauvé, que tu es sauvé. Oui. Donc tu n'as pas la confiance que tu seras sauvé. Oui, ça oui. Attends, tu as la confiance que tu seras sauvé. Oui. Maintenant là, tu te tiens devant nous. Tu es sauvé, oui ou non? L'avènement, c'est le jugement. La question que je pose est simple. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui, Tu es chrétien, oui ou non? Je suis chrétien. Donc, tu es chrétien non sauvé? Je suis chrétien sauvé. Donc je recommande ma question. Là où tu te tiens devant l'assemblée, tu es sauvé, n'est-ce pas? Oui. Et plus tard, tu seras quoi? Je serai sauvé aussi. Donc, il y a deux sauvés alors? Je suis sauvé non seulement sur cette terre de beaucoup de Satan, mais aussi dans la terre. Vous dit, par exemple. On a des problèmes. Les backgrounds, les choses qu'on a accumulées nous causent problème. C'est donc pour cela que j'ai pris l'un des versets qu'il a pris tout à l'heure pour lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Jean chapitre 5, le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, écoute ma parole, qui croit à ce qu'il m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne dit pas aura la vie éternelle, il dit dès cet instant-là, tu as la vie éternelle parce que la vie de Christ vient en toi. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle que tu reçois de Christ. Lui dit qu'il y a une partie de vie éternelle qu'il a maintenant. Il y a d'autres vies éternelles encore qui vont accumuler là-bas partout là devant pour que Satan ne l'empêche pas d'arriver. Bon, maintenant, ça veut dire tout simplement, je voulais seulement attirer ton attention que dans ce livre de Matthieu, le sauvé dont il est question n'est pas le salut dont on a obtient en Jésus-Christ. C'est d'être épargné des événements qui arrivent. D'accord? Mais t'assois, que Dieu te bénisse. On a des problèmes. Oui, oui, mon frère, prenons ici. Okay, moi, j'aimerais comprendre dans Apocalypse 2, comme il a cité là-bas. Oui. Du Saint-Esprit. Oui. Et j'aimerais comprendre quand il parlait à l'église d'Éphèse. Voilà, à l'église d'Éphèse. Quand il parle de retirer le chandelier là. Le chandelier, il venait retirer le chandelier de sa place. Donc, mais ça s'est déjà accompli même justement. Donc, ça s'est accompli justement. C'est quoi le chandelier? Le chandelier, c'est quoi? Les sept lampes. Voilà. Non, j'ai pas dit les sept chandeliers, c'est quoi? J'ai dit le chandelier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est représentant. Donc, le chandelier, c'est quoi? l'église. L'église. Bah, au chapitre 1, il présente ces choses, non? J'ai vu quelqu'un qui avait sept lampes entre les sept étoiles. Il y avait l'étoile qui était quoi, le messager de ces sept églises. Pas vrai? Maintenant, est-ce, le fait qu'il retire les chandeliers de sa place, est-ce que ça a à voir avec le salut? Est-ce que ça a à voir avec le salut? On parle de la période de l'église, non? La période de l'église d'Éphèse. Maintenant, quand vous abordez Apocalypse encore, si on avait du temps, s'il y avait peut-être une semaine ou trois semaines à passer, si on devait prendre Apocalypse pour les aller doucement, doucement, en les décortiquant. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse, du chapitre 2, c'est la fête de Tabaski, ça, n'est-ce pas? Mais votre fête de Tabaski, là, les gens boivent l'alcool. C'est là qu'on profite pour boire l'alcool. Allah demande qu'on boive l'alcool ce jour-ci. Bon, maintenant, dans Apocalypse chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, vous remarquez effectivement qu'il parle à cette église. Et chaque fois, remarquez très attentivement, il dit, il y a un messager, des messagers qui se tiennent entre ses mains pour montrer effectivement que c'est lui qui les envoie. Puis il s'adresse comme si ça décède, comme des reproches à cet ange de l'église, le messager. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ça, en réalité, c'est le message que le messager de cette église-là doit porter pour les périodes de cette église qui sera sur la terre. En réalité, donc, suivez très attentivement. Dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, le Seigneur donne le message aux deux groupes de l'église, l'église apostate et l'église du Seigneur Jésus. L'église, si vous regardez bien Apocalypse, le message est donné pour ceux qui doivent entrer, à préparer entrer et pour ceux qui doivent entrer en jugement pour les condamner. Vous devez d'abord comprendre cela. D'accord? Mais ça, si vous comprenez ce que je viens de dire. Enfin, donc dans l'Apocalypse, le message est donné parce qu'il y a des gens qui sont. Dans l'Apocalypse chapitre 2, il dit qu'il y a des gens qui se font passer pour les apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Ceux qui prêchent en disant qu'ils sont des apôtres alors qu'ils ne sont pas, quand ils prêchaient, ils croyaient qu'ils étaient à l'église, pas vrai? Quand les gens croyaient qu'ils étaient appartenus à l'église du Seigneur. Donc quand le message vient, c'est pour séparer les vrais du vrai. C'est ça dont il est question. Donc souvenez-vous, parce que les apôtres, l'apôtre Paul dit que ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. D'accord? Le père, le maître se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étonnant que ses ministres se déguisent en ministre de justice. Or, quand il vient pas prêcher Satan. Il vient, il organise une campagne d'évangélisation. Il prêche le nom de Jésus. Mais les gens ne sont pas sauvés. Donc, ça veut dire que ceux-là, ils constituent comme apôtres, prophètes de certaines églises. Mais ils appellent ça église. Mais le Saint-Esprit a dit de dénoncer qu'ils se font passer pour les apôtres, mais ils ne le sont pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit annonce à l'église d'être forte et de retenir ce qu'il a donné. De l'autre côté, en disant aux autres que malgré que vous fassiez, comme si vous étiez de l'église, vous n'en êtes pas. Donc, le message est donné sur deux volets. L'église apostate et l'église qui doit se préparer. D'accord, frère? Donc, faites attention. Quand le Seigneur Jésus-Christ a déjà dit de sa propre bouche qu'aucune brebis ne s'est garée, ça veut dire que tout autre verset que vous allez prendre, qui vous gravite autour du salut, dit autre chose, autre que ce que Jésus a dit. D'accord, mes chers frères? Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. Quelle parole réconfortante. Si vous voulez être comme... À la fin, là, je vais voir si je suis sauvé. C'est que vous vous trouvez du côté musulman. C'est eux qui vont peser les œufs pour savoir s'ils sont sauvés ou pas. Ainsi dit la parole. Vous croyez, vous avez la vie éternelle. Et il a scandalisé les juifs quand Lazare est mort en disant, quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Quiconque vit, ça devait vivre là maintenant. Et je crois en Jésus-Christ. La mort n'est plus mon partage. Fin de citation. Si vous ne croyez pas ça, vous allez chez l'islam. C'est eux qui pèsent les œufs là-bas. D'accord? Oh, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres. D'accord? Oui, des questions encore? Ouais, posez des questions. Posez des questions. Encore. Oui. Et maintenant, par rapport. Est-ce que vous entendez là-bas les femmes? Non. Par rapport aux paraboles du semeur. Du semeur. Avant ça, j'aimerais poser d'abord une question. Oui. Et quand est-ce qu'au fait on reçoit le Saint-Esprit? Oui. C'est à quelle époque de notre vie? Quand on accepte le Seigneur ou bien quand on reçoit le baptême? Quel baptême? Au nom du Seigneur Jésus. Dans la Bible présente qu'il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés dans l'eau. La Bible dit effectivement que d'autres personnes ont été baptisées dans l'eau, puis ils ont reçu le Saint-Esprit par la suite. D'accord? Donc ça dépend du Saint-Esprit là maintenant. D'accord. Maintenant, quand on parle de la parabole du Seigneur, oui. On a dit recevoir. Avoir la vétérinaire, c'est recevoir la parole de Dieu. Oui. N'est-ce pas? Oui. La Bible dit, cette semence symbolise la parole, non? Oui. Mais la terre, oui. Pocoyeuse, oui. Avait pourtant reçu la semence. Oui. Donc, le cœur de Pierre a oui. Reçu la semence. Absolument. Les quatre styles de cœur avaient reçu. Avaient tous reçu la semence. Oui. Donc, ils ont reçu la parole. Oui. Ils ont accepté Christ. Non. Reçu, c'est pas accepté. D'accord. Ils ont entendu. Voilà, ils ont entendu. Ça veut dire que ça a pénétré. Oui. Dans Jean chapitre 8, si vous lisez le verset 30 de Jean chapitre 8, la Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À partir de cet instant-là, les personnes qui avaient cru en lui ont pris l'occasion pour le tuer. Tu as su ça, frère? Tu as lu ça dans la Bible? Et puis Jésus a dit, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Vous voulez faire les œuvres de votre Père, le diable. C'est terrible, pas vrai? Ça commence au verset 30. Jésus dit aux Juifs, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ils avaient fait quoi, frère? Comment tu fais comme ça? Je me bouge la tête. C'est le verset 30 du chapitre 8 des Jean. Ils avaient cru en lui. Ils avaient cru en qui? Jésus a continué donc à 10 ans. Il ne disait plus à tout le monde. Il disait à ceux qui ont cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, il s'adresse à qui? Ceux qui ont cru en lui. Vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ces versets-là, on nous riche chaque jour sans comprendre pourquoi il en est utilisé. D'accord. Dans la continuation, ces gens-ci ont pris le cas de tuer Jésus. Mais ils ont cru en Jésus, pas vrai? Donc quelqu'un peut croire qu'il croit la croyance que Dieu veut qu'on croit. Alors qu'en réalité, il n'y croit pas du tout. Ah bon? C'est ce qu'il a dit en fait. Donc on peut dire qu'on croit à Jésus, on prend tout le baptême sans pour autant recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'une fois recevoir le Saint-Esprit, oui, on ne peut plus perdre le salut. Ça c'est clair. C'est pour cela donc que l'Église doit inviter à cet endroit-là. Il faut qu'on arrive à cet endroit. Si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est terminé pour lui. Il n'y a plus le Saint-Esprit à recevoir. Si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit, vous devez aspirer à cela. Si vous n'aspirez pas, sachez que c'est l'enlèvement de Dieu, vous ne serez pas là-bas. Tu sais ça, frère? D'accord. Est-ce qu'on peut aspirer étant donné qu'on n'est pas destiné à recevoir? Non, il faut forcément aspirer, on ne sait pas. Mais si tu sais que tu es chrétien, ça veut dire que c'est pour toi. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a fait les tels enseignants, que ça ne soit pas par mental, ça doit être par la foi. Mais quand est-il de la conséquence? Quand la Bible dit dans Galates 3, je pense, verset 13, oui, quand il dit vous étiez appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un peu pour vivre selon la chair. Chapitre 5, verset 13. Oui. Maintenant, quelle est la conséquence de ça? Quand tu as reçu le Saint-Esprit, par exemple, oui, mais tu vis selon la chair, quelle est la conséquence? C'est pour cela que la Bible est donnée. C'est pour cela que le passage que tu es en train de citer montre clairement le remède que le Saint-Esprit apporte. Parce qu'au chapitre 3, il dit, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Christ a-t-il été peint comme crucifié? Après avoir commencé par la foi, voulez-vous maintenant achever par la chair? Alors, ça veut dire que ceci, il dit, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu vois? Ils ont commencé par le Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, il vous faut les enseignements des apôtres. Il a dit, les cinq ministères sont donnés jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi, à la statue de l'homme fait. Donc, pour être baptisé du Saint-Esprit, il vous faut l'enseignement. Tu comprends ça, mon cher? Tu me suis là. Donc ceux des Galates avaient reçu effectivement le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas l'enseignement. Par conséquent, ils pouvaient prendre la loi encore et ajouter. Voilà pourquoi le Saint-Esprit amène la correction pour corriger que la vie de l'Esprit consiste en la vie de la foi dans le Jésus-Christ notre Seigneur, pas la vie de l'observation de la loi de Moïse. Tu comprends cela? Et par conséquent, tu dis, si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il vit dans la chair, il doit être corrigé. C'est ça que Hébreux chapitre 12 nous dit, Dieu nous corrige comme ça, il nous châtie comme ça pour que nous ne participons pas à sa sainteté et qu'on ne soit pas condamné avec le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un est enfant de Dieu, il doit grandir. Les enfants, quel qu'en soit le cas, si c'est un enfant de président, il peut juste tomber dans la boue. Mais quand il va grandir jusqu'à un statut, il aura le garde du corps, il saura qu'il est enfant de président. Donc le fait que tu aies le Saint-Esprit ne t'empêche pas de pécher là. D'accord? Il faut les enseignements pour t'amener à maturité. Et au fur et à mesure, quand tu reçois les 16 enseignements, tu deviens en maturité. Le Saint-Esprit te nettoie et te débarrasse de cette nature-là. D'accord, mon cher frère? Non, ne pensez pas que quand vous avez le Saint-Esprit, pam, ça veut dire que non, il ne peut plus tomber dans le péché. C'est pour ça que c'est prévu dans les Saintes Écritures que ceux qui marchent selon l'Esprit, ceux qui veulent marcher avec le Saint-Esprit, marchent selon l'Esprit. D'accord? Oui, mon cher. Voilà, j'aimerais poser une question. Durant le ministère de Jésus-Christ, oui, ses apôtres, oui, avaient-ils reçu le Saint-Esprit? Tu as lu Actes des Apôtres, frère? Oui, j'ai lu Actes des Apôtres. Ok, tu dis durant son ministère physique. Oui, durant son ministère physique, okay, avec les évangiles. Ok, mon ange, il peut répondre. Voilà. Quand Jésus était sur la terre, où était le Saint-Esprit? Voilà. Quand Jésus était sur la terre. Quand il était sur la terre, le Saint-Esprit était où? Le Saint-Esprit était avec lui. Ou avec qui? avec Jésus. Mais comment devait-il donner ça aux gens sans, en étant présent? Voilà, parce qu'il y a un de ces passages là où il les a envoyés en mission. Non, il les a envoyés avec l'ordre. Un peu comme Dieu a aussi envoyé Moïse en mission en Égypte sans que le ministre soit baptisé du Saint-Esprit. Quand Dieu dit va, ça veut dire que tout le ciel endosse la responsabilité. Tu comprends cela? Quand Dieu dit va, il a dit à Moïse va avec le bâton que tu as. Le bâton qu'il avait, c'est pas le même. Dieu lui a donné un bâton du ciel. Est-ce que Dieu lui a donné un bâton du ciel? C'est le bâton qu'il utilisait pour faire ses brebis, non? Quand il a lancé ça au sol, c'est devenu quoi? Le serpent. Parce que Dieu a dit lance au sol. Quand Dieu dit lance au sol, c'est là sur le ciel qui endosse toute la responsabilité. Donc, les apôtres, quand Jésus les envoie deux à deux, il dit allez guérissez les malades au là-bas. C'est derrière la parole allez et guérissez qui le faisait. Maintenant, dans Jean chapitre 14, quand le Seigneur va quitter la scène, il dit j'ai encore d'autres paroles que je vais vous dire, mais vous pouvez les porter maintenant. Mais quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. D'accord? Le Consolateur demeurera éternellement avec vous. Donc, la venue du Saint-Esprit sur l'Église a plusieurs volets. Premier volet, réunis dans un seul corps, dans le corps à partir du corps de Christ, le corps mystique du Seigneur Jésus, le corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ, les réunis dans un seul corps. Maintenant, continuer l'établissement. Sinon, l'annonce du royaume de Dieu sur la terre avec puissance, jusqu'à ce que ce règne vienne à s'accomplir. D'accord? Et au courant donc de cet établissement du royaume, les différentes grâces et les dons du Saint-Esprit se manifestent, c'est pour cela que c'est donné. Donc, le Saint-Esprit sur la terre, c'est la continuation de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, une autre partie de son œuvre. Alors, c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on reçoit le Saint-Esprit. Voici l'ordre des Écritures. N'est-ce pas? Répentez-vous. Oui. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Oui. Le reste, mesdames, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, c'est pourquoi je pose la question. Durant le ministère de Jésus, oui. Est-ce que les apôtres de Jésus-Christ ont cru en Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit? Ou bien c'est après que Jésus-Christ est ressuscité et qu'ils ont reçu l'acte de Saint-Esprit? On est en train de parler de deux choses différentes. Dans le ministère physique de Jésus, Jésus c'est le Saint-Esprit, frère. C'est ce que je viens de dire. Alors quand le Saint-Esprit dit va, il part avec l'ordre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là physiquement. Mais le Saint-Esprit leur promet qu'il est avec le monde ne peut pas le recevoir. Mais vous le recevrez parce que vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Ça c'est Jean 14, verset 20. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc quand il va quitter la chair, il a dit, il est important, il est pour vous avantageux que je m'en vais au Père. Parce qu'il ne m'en va pas, parce qu'il ne peut pas sortir de sa chair, entrer dans un être humain, parce qu'il est unique. La loi du matériel veut qu'il soit cantonné dans un matériel. Or s'il retourne, il s'en retourne dans le sein du Père, il peut se déployer dans le corps tel qu'il le veut avec son omnipotence. D'accord ça? Alors maintenant, les disciples avaient cru en lui et il leur a dit dans Luc chapitre 14, attendez la promesse. Mais ceux qui attendent la promesse doivent croire à la promesse. Donc forcément, ils avaient cru au Seigneur Jésus, puisque c'est lui qui les a appelés. D'accord, mon frère? Alors maintenant, ça veut dire que l'ascension du baptême du Saint-Esprit commence par la croyance en Jésus-Christ. Donc si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la promesse est aussi pour toi. Ça va, mon frère? Tu crois à l'instant où tu crois, oui. Tu reçois. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut d'abord croire. Tu laisses l'instant là à Dieu. Parce qu'ils ont cru à Jésus que depuis quand il a appelé. Quand il a appelé Pierre, il a appelé, n'est-ce pas? Mais ils ont fait des ministères ensemble. Le dernier jour, le 40e jour où il est ressuscité de mort, il devait monter au ciel. Il a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il a promis sur vous. Quand ils les ont attendus, un jour, c'est venu? Est-ce que c'est venu? Deux jours, c'est venu? Neuf jours, est-ce que c'est venu? Non. Dix jours, est-ce que c'est venu? Ouais. C'est le dixième jour que c'est venu. Là, c'est le cas, c'est dix jours. Maintenant, nous étions dans le livre d'Actes chapitre 8 aussi. Pas vrai? Verset 12, nous avons commencé à lire, on dit la Samarie, au chapitre 14, que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean afin qu'ils prient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car aucun esprit n'était descendu sur eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Là, maintenant, la Bible reste silencieuse quant à la période qui sépare le moment où Philippe les a baptisés et le moment où les apôtres viennent pour prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc nous voyons effectivement ici qu'ils avaient cru. Ils avaient été revêtus de quoi? Baptisés par le nom de Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un écart qui sépare le moment où le Saint-Esprit est venu. D'accord? Ça veut dire que ce que l'homme doit faire, c'est se repentir. Ce que l'homme doit faire, c'est d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le reste de la promesse dépend du Seigneur. Maintenant, quand Jésus dit, vous allez chasser des démons à mon nom, prophétiser à mon nom, Mais moi, je dirais que je ne vous connais pas. Il a dit ça. Il a dit ça à qui? Hein? À qui il a dit ça? À ses disciples. Non, pas à ses disciples. À qui alors? Parler, parce qu'à sa disciple, à lui, il a dit dans Marc chapitre 16, verset 15, puis il a dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il ne peut pas dire qu'ils chasseront les démons. Après, il dit que vous avez chassé, il veut dire que ce n'est pas moi qui vous avez envoyé. Donc, comme Matthieu 7. C'est exactement ce qu'il vous dit ici depuis le départ. Il dit je suis ici devant vous. Je ne parle pas du Seigneur. Mais sur quelle base vous pouvez discerner que je suis de la part du Seigneur? Vous voyez qu'il faut connaître le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ok, maintenant, si vous voulez savoir si quelqu'un est faux, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Ayez le Saint-Esprit. Mais ce dernier ne chasse pas des démons, donc. Laisse les gens qui chassent les démons. Il dit que ayez le Saint-Esprit. Quand tu vas voir le Saint-Esprit, tu pourras savoir lequel exerce selon le Saint-Esprit. Parce que si tu ne fais pas selon le Saint-Esprit, tu risques de tomber dans le blasphème du Saint-Esprit sans t'en rendre compte. Tu vois ça, cher? Ouais. C'est pour ça que quand tu ne connais pas si c'est le Saint-Esprit ou qu'un de la joue, c'est pas le Saint-Esprit, il faudrait me fermer la soupape. Ouais. Voilà. Des questions? Voilà. Oui. Excusez-moi, je pose beaucoup de questions. Non, pose tes questions, épuise-les. Voilà. Donc, souvenez-vous, quand vous allez épuiser votre question, je vais vous en poser. J'ai mes questions à moi. Oui, vas-y, pose, frère. Voilà, sur cette doctrine-là du Saint-Esprit. Quelle doctrine du Saint-Esprit? Quel? Le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit et ses dons spirituels. Oui. Voilà, il y en a d'autres qui disent que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, le signe premier, c'est le parler en langue. J'ai joint ça dans la question de celui-là. On va épuiser ça demain. D'accord. C'est ça que je voulais poser comme question. Ne t'inquiète pas. Poser. On va parler de l'origine des charismatiques. D'accord? Oui. Voilà, concernant ce qu'il disait tout à l'heure. Oui. Nous voyons dans Jean chapitre 20, verset 22. Oui. Jésus-Christ disait à ses disciples. Il souffla sur eux. Oui. Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Oui. On arrive demain. Des questions. Là-bas. Moi, je voulais un peu contribuer à la question du salut parce que je peux dire que les chrétiens hypocrites utilisent ça pour dire qu'on ne perd pas le salut pour s'attacher au péché. Oui. Or, il y a une chose que nous devons connaître. Quand les frères ont parlé d'inquiétude, on peut se référer à la parole, là où Jésus-Christ a dit que les brebis entendent ma voix et elles la suivent. C'est-à-dire que si tu es réellement un enfant de Dieu, tu seras baptisé de la parole de Dieu. Parce que quoi? Si tu es, même quand tu as péché, mais après la parole de Dieu, quand ça va venir, tu vas encore te retrouver. Et tu vas encore marcher sur le chemin. Amen. Mais si tu n'es pas réellement un enfant de Dieu, tu vas paraître comme une brebis. Mais par après, tu vas abandonner parce que quoi, tu ne pourras pas supporter la parole de Dieu. Tu vas te dire que ce n'est pas grave. Malgré que la parole veut te ramener dans le cadre où Dieu veut vraiment, la direction que Dieu va te faire suivre. Amen. Donc, dans ce cas, tu n'as pas suivi la parole parce que quoi? Tu as entendu la parole, mais tu as laissé la parole de côté. Mais la vraie brebis du Seigneur, il entend la parole, mais malgré le fait qu'il a connu des échecs dans sa marche, il va continuer à percer. Autrement dit, rien n'empêche la détermination du brebis du Seigneur de suivre le Seigneur. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit dans les enseignements, que on ne peut pas imiter la vie de Christ. Si vous êtes canard, vous pouvez bien nager. Mais la poule, si elle imite, en faisant comme la poule, le canard fait partout, qu'ils avancent. Au niveau de l'eau, on saura qu'ils nagent ou pas vrai? Ouais. Voilà, de la même façon, c'est exactement ce qu'il en est avec la vie du Christ Jésus. Effectivement, dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Donc, la Bible ne dit pas que vous devez pécher parce que vous êtes sauvés. Que non. L'enseignement biblique, c'est, plus vous savez que vous êtes sauvés, plus vous savez quelle grâce Dieu vous a déjà utilisée pour vous, plus vous courez vers lui pour la sanctification. D'accord? Parce que la sanctification, la grâce a son style d'enseignement. Dans le titre chapitre 2, verset 11 à 13, il dit que la source de salut là a été manifestée pour tous les hommes. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à fuir. Toi, tu ris, tu dors là, mon frère. Non. Ok. Elle nous enseigne à fuir la convoitise, la mondanité. Donc, si vous savez que vous êtes sous la grâce, vous savez que vous devez fuir le monde. Pas vrai? Non. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions encore? On prend ou bien vous laisse ce soir. Demain, on commence à quelle heure? Oui, là. Oui. C'est sur la repentance. Sur la repentance, oui. En Corinthiens 5, 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est libre. Oui. Les choses anciennes sont passées, tout ce que je devais dire. Donc, ma question en est que. C'est une habitude de ça, Ezekiel. Je ne parle pas trop vite, trop fort, quoi. Ma question en est que si tu es né de nouveau. Oui. C'est-à-dire, Jésus a déjà effacé. Tout est péché. Tout est péché. Est-ce que tu as encore besoin de dire à Dieu de te pardonner la vie ancienne? Merci beaucoup. D'après ce que la sœur dit, et c'est l'une des doctrines que prêche un groupe de quoi que les doctrines des apôtres, quelque chose comme ça. Si vous suivez cette doctrine-là, elle soutient, cette doctrine soutient ces choses, ce qu'elle a dit maintenant. Elle dit, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle pose donc la question naturellement, ah ben, si quelqu'un est en Christ, et si elle commet le péché, donc elle est née de nouveau, pourquoi donc demander encore pardon à Dieu? Ok, moi je pose la question. Si elle est en Christ et que les nouvelles choses sont passées, les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, pourquoi doit-elle continuer à commettre encore les anciennes choses? Parce que la personne qui est une nouvelle créature marche nouvellement. Vous voyez, si vous marchez d'après l'ancienne chose, ça montre qu'il faut une façon pour quitter cette ancienne chose. C'est la repentance qu'il faut. Ouvrez le chapitre 7. Ouvrez. Elle a cité 2 Corinthiens chapitre 5. Ouvrez maintenant le chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Vous voyez effectivement que si vous vivez en Christ et que votre conscience ne vous condamne pas, vous n'avez pas besoin de repentance. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais si votre conscience vous condamne, vous devez aller devant le Seigneur. N'est-ce pas? C'est ce que je viens de citer dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Lorsque vous n'avez pas péché, vous n'avez pas besoin de repentance. D'accord? Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Un avocat est censé faire quoi, frère? Défendre. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour notre péché, mais pour les ceux du monde entier. Donc, ça dit que c'est pour dire, souvenez-vous que nous avons un avocat. C'est-à-dire que celui qui intercède pour nous. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 7. Tu peux lire, frère, le verset 1 seulement, le chapitre 7 de 2 Corinthiens. Qu'est-ce que ça dit? Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Le verset 1. Oui. Ayant donc de telles promesses, oui. Bien-aimés, oui. Purifions-nous de toute souillure de la chair, oui. Et de l'esprit, oui. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, ça. Oh, à qui est-ce qu'on s'adresse là? À ceux à qui il a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, pas vrai? Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Alors, ceux qui sont nés de nouveau, là, vont se purifier de quoi donc? Il dit de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Je lui pose la question. Comment est-ce qu'on se purifie des souillures de la chair et de l'esprit? Comment? Il dit en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Et c'est quoi la crainte du Seigneur, frère? La haine du mal. C'est-à-dire que s'éloigner du péché. Pas vrai? Voilà. Donc, ceux qui sont nés de nouveau s'éloignent du péché. C'est ce que l'apôtre Jean va écrire dans 1 Jean chapitre 3. Il dit, celui qui est né de Dieu s'est gardé lui-même. Et le malin ne le touche pas. Pas vrai? Alors, dans la vie des nés de nouveau, c'est la vie au-dessus du péché. On vit hors du péché. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, le matin, on travaille sur... À partir de quelle heure? Je vais d'abord savoir l'heure du début. À 9h. Dites 9h ici, on commence. 10h. Ah, on commence à avancer, 10h. 10h. Donc 10h, on commence 10h jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. 10h. Il veut que nous comprenions très bien. 10h. Vous êtes tellement précieux au point où s'il veut ici à 10h, quand vous irez là tout tournement, il veut fermer, il veut garder la clé dans ma poche pour être sûr que chacun va écouter. Vous êtes d'accord? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelqu'un voulait, il y a un doigt debout. Oui, mon cher. Ouais, donc Jean 3, 14 a dit car Dieu a tant aimé le monde. Verset 16. Oui, verset 16. 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Oui. Maintenant, je pose la question. L'amour de Dieu oui. pour le monde oui. est-il comparé au salut du monde ou bien c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Parce que vous avez dit on a parlé de la prédestination. Oui. Que tout le monde ne peut pas être sauvé. Mais, attends, dis le contraire alors. Hein? Dis alors le contraire de ce que ça dit. Est-ce que tout le monde peut être sauvé? Non, tout le monde ne peut pas être sauvé. Voilà, mais comment tu dis c'est moi qui suis celui qui a dit ça? Même toi tu as dit ça. Maintenant, l'amour. Oui. L'amour de Dieu. Oui. Avec ce verset-là. Oui. Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? le monde. Quoi? Les hommes. Hein? Les hommes. Mais sache, est-ce que tu sais que le sang de Dieu a traversé les cieux pour purifier aussi le ciel, frère? Quoi? Tu sais que le sang de Dieu a traversé le ciel pour purifier, il fallait qu'il a purifié aussi le ciel avec son sang. Tu sais ça, frère? Tu ne sais pas? Tu n'as jamais lu? Qui a déjà lu ça dans la Bible? Vous avez lu au moins une fois au moins? Ok. Alors maintenant, la Bible déclare qu'il fallait que les choses qui sont en haut soient aussi purifiées de la même manière, c'est comme sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé en haut pour qu'on purifie le ciel? Il a dit quand cette femme est venue le toucher, il dit que je ne suis pas encore monté vers mon père, ne me touche pas encore, pas vrai? Après maintenant, il pouvait dire maintenant, le moment que touche-moi. Donc entre le moment où il a dit à cette femme et le moment où Thomas vient, il est allé au ciel verser le sang pour revenir. Pas vrai, frère? Pourquoi il est allé au ciel avec le sang? Vous attaquez là les grands parents de la Bible. Si on, je parle maintenant, les cheveux blancs vous sortent sur la tête. Donc, suis attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ avait une mission de réconciliation. Le Seigneur Jésus-Christ ne doit pas seulement dominer sur les croyants. Les croyants sont ces enfants qui se trouvent embourbés dans un système qui ne lui appartient pas. Le but de Dieu, donc, c'est de détruire ce système dans tout l'univers. Le système du monde n'est pas seulement gouverné sur le monde vivant de, dans notre petite terre-ci. C'est tout l'univers qui a le problème. Tout l'univers qui a le problème. Et donc, c'est pour ça que dans la nouvelle terre et au nouvel ciel, on n'a pas besoin de soleil. D'accord? Alors, quand il fait le grand luminaire pour présider au jour, et le grand... Je parle, frère. Bon. Vous savez, vous allez lire dans les Saintes Écritures que le soleil ne vous frappera pas en plein jour. Vous avez lu cette promesse-là, et la lune ne vous frappera pas la nuit. Le soleil t'a déjà frappé? La nuit. Dans le jour, est-ce que le soleil t'a déjà frappé? Hein? Oui. Bon, ok. Mais Dieu a dit que ça ne doit pas frapper sur quelqu'un. Il y a qui donc sur la terre dont le soleil ne frappe pas? Personne. La lune t'a déjà frappé la nuit? Oui. Comment il parle, tu regardes la lune? Il dit, la lune t'a déjà frappé la nuit? Oui. Comment ça te frappe? La lune. Oui. Pourquoi tu regardes toujours la lune, là, frère? Parce que ça émet de la lumière. Donc quand ça émet la lumière, ça te frappe plutôt. Bon, mais Dieu dit qu'il est en train de dire plutôt dans celui de Somme là-bas qu'il va faire des temps, que ça ne doit pas te frapper. Parce que ça fait plutôt du mal. Le soleil fait plutôt du mal. Comment le soleil qui est censé éclairer, présider le jour, en train de frapper les gens? Et la nuit, la lune qui est censée frapper, quoi, éclairer la nuit, frappe les gens. Pourquoi Dieu dit qu'il va empêcher que ça arrive? Alors tous ces systèmes que vous voyez là, les systèmes là sont des prophéties, des gouvernances, des ténèbres et de la lumière. D'accord? Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière de Christ sur notre visage pour faire connaître la connaissance de Christ. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc que la lumière soit. Dieu en a parlé de Christ qui vient dans le monde pour dominer. D'accord, mon cher? Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Mais de toute façon, ce qu'il veut dire, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, donc, c'est une partie donc, de cette œuvre-là. Parce que le but, c'est la restauration. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, la Bible déclare que quand la certaine trompette va sonner, la Bible déclare que les anges ont crié que maintenant, le gouvernement du monde a été remis maintenant à Christ et à son roi. D'accord? Et au Seigneur, et à son roi. Donc, le gouvernement du monde, Christ va maintenant régner sur toute la planète. Tu me suis, frère? Autrement dit, le système de nuit-jour et au-delà-bas, il n'y a plus ni nuit ni jour. S'il n'y a plus ni jour ni nuit, donc le système, votre système de connaître, comment vous appelez ça, des tournures, des galaxies là, ne sera plus ce système-là. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Essayez d'imaginer votre vie sans la lumière ici. Donc, en tout cas, de toute façon, ça sera tout sauf ce que vous connaissez sur cette terre-ci. Oui, monsieur. Un jour, je me suis posé cette question. Oui. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui. Je me suis posé, cette lumière provient d'où? Est-ce le soleil? Continue comme ça, frère. Continue. Est-ce le soleil ou c'est pas le soleil? Mais il faut lire 2 Corinthiens chapitre 4. On dit que c'est qu'on parlait de la Bible que je suis en train de prêcher là maintenant. Donc, quand il disait en Genèse, c'était la Bible sur Christ. Il parlait de Christ. C'est pour ça que dans la Genèse, Genèse parle avec son langage. Quand vous lisez Genèse chapitre 1 ou chapitre 4, tout ce qu'il a en train de parler se trouve dans l'évangile. Il parle des choses. Ce n'est pas seulement les créations comme vous voyez là. Parce qu'avec il y a jour, un jour, deux. C'est en un jour déterminé, je crois que c'est le 4e jour, 5e jour qu'il a créé les grands luminaires. Pourtant, il y avait là la lumière. D'accord? Donc la lumière n'est pas donnée par le soleil. C'est quelque chose qui gouverne cela. Alors on parle des puissances des ténèbres contre les puissances de la lumière. D'accord, mon cher? C'est pour ça qu'il dit qu'il ne veut pas toucher ça. Il ne veut pas que vous ayez les cheveux blancs. Restons dans l'évangile tout simplement. Tout simplement. Alors, quand le Seigneur dit qu'il aime le monde, ça ne veut pas dire qu'il aime les mondains. C'est pas ça qu'il dit. Parce que Dieu ne peut pas dire que j'aime le monde. Et puis il dit que vous, les enfants, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. D'accord? Vous avez à lui dire, n'aimez point le monde, non? Et, mais Dieu dit qu'il n'aime pas le, que Dieu dit que n'aimez point le monde. Lui, il dit qu'il aime le monde. Et pourtant, il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. C'est pas deux, c'est deux choses différentes dont on a déjà parlé. D'accord, mes frères? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous recommande donc, sous la grâce du Seigneur, qu'il veille sur vous, sur chacun de vous, sur vos, dans vos familles, qu'il exerce sa miséricorde dans votre cœur et que sa grâce vous couvre, chaque membre de vos familles, qu'il vous ramène et qu'il reste avec vous jusqu'à ce que nous rencontrions encore demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, demain, rendez-vous, 10h, on a convenu. 10h. Que le Seigneur vous bénisse donc. Bonne soirée. Ô suprême amour, vivre pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi ce que me soutient en toi et qui demeure. Je t'aime. Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie, plein de reconnaissance. Je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul ami. J'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis ébloui de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Tes bras, je désire partager ta chaleur.